Alors, merci d'être venu nous voir dans cette journée où il y a plein de concurrences. La fête de Mille Babord, quelque chose à vivre aux mille têtes. Mais vous allez pas le regretter. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Alain, ou Alain en occitan, Camélio, qui nous vient de Sète, donc qui est natif de Sète et qui a fait sa carrière dans la SNCF, donc il est passé tu nous raconteras ça en détail, par Paris et Avignon, et c'est à Paris c'est un peu contradictoire qu'il a appris l'occitan, parce qu'il y avait des cours d'occitan qui étaient donnés là-bas, et donc retrouver la langue de ses aïeux. Et on est rentré en contact avec Alain parce qu'il y a à peu près un an, un peu plus maintenant, il a publié un bouquin et généreusement il a proposé de nous l'offrir au CERA parce que ça avait un rapport avec l'anarchisme. Ça aussi il va nous le dire en détail. Donc c'est la publication d'une pièce de théâtre écrite par un syndicaliste anarchiste à Sète et en langue occitane. Donc à partir de ce travail-là, c'est un peu comme les gyménologues qui avaient le texte d'Antoine Jiménez et puis qu'on fait des bouquins de 500 pages, et lui c'est un peu ça, puis il a écrit un bouquin de 450 pages, et puis non seulement il l'a écrit en français, je ne sais pas dans quel sens tu nous diras, il l'a écrit en français, mais aussi en occitan. Donc ça fait deux volumes de 450 pages sur une pièce qui fait une dizaine de pages. Maximum. Mais ça tu vas te rentrer là. Tu vas te rentrer. Donc c'est quand même un boulot assez énorme. Donc c'est un peu impressionnant parce qu'au début, c'est publié grâce à l'IEO, c'est l'Institut d'études occitanes. Donc c'était un peu impressionnant parce que les deux volumes se vendaient ensemble à 50 euros. Maintenant, n'hésitez pas parce qu'ils sont à 25 euros et puis vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Donc, alors, j'ai trouvé des éléments sur Internet, tu vas me dire si c'est toujours vrai, tu es président du SEC, du Cercle Occitan, c'est toi. Alors, moi, j'ai passé la même. Tu as passé la même. Donc, à mes 17 ans, je suis membre. Voilà. Et tu es bon. C'est pas le premier bouquin que tu as fait, tu as écrit un bouquin sur l'Armana Setori. Oui. Un Armana qui est vraiment en Occitan, mais dont tu nous parles. Oui, toujours. Avant, pour pouvoir écrire ça, la pièce, je la connais depuis. Oui, j'arrive à 7 ans. Retraite, donc en 2000, et je cherche, je parle en occitan que j'ai appris blues quoi, à l'école, c'est-à-dire normalisé. Donc je me suis dit, il faut quand même que tu parles le patois de Sète, entre guillemets, mais je cherchais des documents sur Sète. Je vais à la médiathèque, je tombe sur cette pièce, en 2000. C'était rasoir. Je me dis, c'est vraiment pas passionnant. Alors donc je pars. Pendant 10 ans, j'ai rien fait. Donc j'ai fait autre chose. J'ai découvert cette. Comme quoi les choses arrivent petit à petit. Parce que moi, je ne suis ni historien, ni anarchiste. Hein. Je suis militant occitaniste. Hein. Donc je suis passionné par l'Occitan, militant. Donc ça m'a amené à ça. Alors voilà, c'était pour découvrir. Alors je découvre cette pièce. Alors cette pièce, c'est en 1905. Elle est publiée à 7. Hein. Il y a beaucoup d'imprimeurs à 7. Hein, comme tu es un port. Donc je suis dans le cabaret, donc j'ai une pièce, et c'est intitulé Une séance à la Bourse à Plata. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche, quoi. Donc vous ouvrez, donc on disait, c'est le format A5, hein, c'est-à-dire il y a 16 pages, comme ça, hein, format A5, c'est imprimé, il y a juste un papier, mais il n'y a rien, il y a marqué Pascal Verdal, La séance à la Bourse à Plata, 1905. 1905, c'est aussi à Marseille de la mort de Louise Michel. Hein. Oui. Hein, donc, mais là, vous savez, on n'en parle pas. Alors, vous ouvrez la pièce, vous voyez qu'il y a des dialogues. Hein. Et c'est en vers, en alexandrin. Alors, ça paraît curieux que ce soit en alexandrin, mais c'était la mesure populaire. Hein. C'est-à-dire, quand à Marseille, par exemple, quand on écrit les pastorales, c'est en alexandrin. Quoi. Je ne serais pas foutu de le faire en alexandrin. Bon, c'est écrit en alexandrin. Je me suis dit, c'est chanté. Là, c'est bien, tu l'as dit. Alors après, on commence à la lire, on trouve des monologues également. Alors c'est 60% en occitan, dans le parler de Sète, et 40% en français. Hein, on a qui, 40% en français. Donc, on regarde un peu, je commence à... Il n'y a pas d'acte, ni de scène. C'est juste... enfin, c'est un acte, quoi. Du début jusqu'à la fin, et tout ça. Alors, il y a 8 personnages, là-dedans. Alors, on commence à regarder les personnages. Il y en a un qui s'appelle... Il y en a deux qui ont un nom de famille. Il y en a un qui s'appelle Piochou. Piochou, c'est le diminutif de Pioche. Hein? Piochou. Le deuxième, c'est Audois. Et puis, il y en a un qui a un prénom, Casimir. Après, vous avez les autres personnages. Il y a 8 personnages, hein. C'est les, de la fonction, donc vous avez un délégué syndical qui est partisan, je vous dirai pourquoi après, un deuxième délégué qui est contre, l'autre qui n'a pas de, qui a pas d'opinion, l'autre, l'avant-dernier personnage, c'est le concierge de la salle, et le dernier, c'est le, l'anarchiste. Personnage anarchiste, hein. Ou alors ces gens-là, alors on s'aperçoit finalement, quand on creuse un peu, que ça correspond à une réalité. Pioche, c'est, ce sont des gens réels. Pioche, c'est le secrétaire fédéral de portefeuille R7, qui est non seulement un délégué syndical, il a fondé les... Alors R7, on dit portefeuille, on ne dit pas docker. Hein. Jusqu'en 1900, je n'ai pas trouvé docker, c'est portefeuille. Hein. Donc c'est Pioche, c'est celui-là. Audois, c'est un conseiller municipal depuis 1902. Après, vous avez Casimir. Casimir Jeannot, c'est le secrétaire de la Banque du Travail. Et après, les autres personnages, on verra pour le personnage de l'anarchiste. Hein. Donc on s'aperçoit finalement que c'est... Quand on lit après le... Unité de lieu aussi classique, hein. Unité de lieu, ça se passe à la Bourse du Travail, au 7, hein. Unité de temps, pendant une séance qui se déroule à la Bourse du Travail, et unité d'action, c'est on doit décider, un problème important, si on doit augmenter la cotisation syndicale pour permettre aux délégués d'aller se promener. Alors, la caisse, elle reprend un article qui était paru, des critiques qui étaient faites dans la presse sétoise, contre les délégués syndicaux qui passaient leur temps à aller se promener, selon les gens, quoi, ils étaient obligés d'aller partir partout. Hein, donc, ils vont se promener, j'en profite, etc. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, la pièce, c'est ça. Le thème de la pièce, c'est ça. Alors, ça va durer 16 pages, là. Donc, c'est 1904, on reproche à Pioche de se promener partout, ce qu'on appelle l'assiette au beurre, quoi, d'encaisser pour lui de l'argent, etc. Quoi, hein. Voilà. Et le dernier personnage, c'est l'anarchiste. Il va parler le dernier. Alors c'est une tactique, hein, on verra dans les réunions anarchistes, c'est une tactique. L'anarchiste parle toujours le dernier, il a le dernier mot. Et là, il est en train de dire, il se retourne vers les spectateurs, et il leur dit, ces gens-là nous prennent pour des imbéciles. Quoi. Hein. Ils pensent qu'à eux, hein, regardez ces délégués, on doit augmenter ou pas augmenter la délégation. Ils ne pensent qu'à eux. Hein, où ils passent à s'enrichir et ils nous laissent à nous tranquilles, ils nous laissent. Ça, notre vie ne les intéresse pas. Voilà, c'est ce que dit le programme. Alors vous voyez, c'est une pièce curieuse, quoi, où il n'y a pas d'histoire particulière, quoi. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà le titre, séance à la bourse à plate. En français, c'est séance à la bourse à plate. Alors il y a un jeu de mots sur la bourse, c'est la bourse du travail. Une bourse du travail qui n'avait pas de, qui avait pas d'argent. À 7, elle est créée en 1902. 10 ans il a fallu, hein, pour créer la bourse du travail. Hein. Et bien entendu, pourquoi elle ne se crée pas? Parce qu'elle n'avait pas d'argent. Elle n'a jamais eu d'argent, cette bourse du travail. Hein. Donc, importante. 10 ans, 4 maires. Hein. Et on ne peut pas dire que c'était la passion. À la préfecture, on préférait voir à 7 construire une chambre de commerce plutôt qu'une bourse du travail. Hein. Les ouvriers sétois, dès 1890, vont demander la bourse du travail. Ce sera la quatrième bourse du travail créée dans l'Hérault. Hein. Les premières, c'est Béziers, Montpellier, puis Vincennes. Donc, alors, il n'y a jamais eu d'argent dans cette bourse du travail. Casimir Jeannot, le secrétaire, lui, vient de la Drôme. Hein, il vient de Cadarousse. Il est payé, etc. À 7, on va faire un petit recul, c'est le port, hein, 7, hein. On est au 19e siècle, il y a 33 000 habitants, Aujourd'hui, il y en a 42 000, hein, mais on ne va pas évoluer tellement. Hein. Alors, il y a ça, la République à 7, elle est créée en 1870, la Troisième République, le 5 septembre. Arrive au pouvoir à 7, le Parti ouvrier, c'est le parti de gauche. Hein. Vraiment, ils sont à gauche de la gauche. Hein. C'est Jules Guest, etc., qui s'installe à la municipalité. Bon, après, jusqu'en 1902, il va y avoir ces gens-là, le Parti ouvrier, puis on aura un docteur Chen qui est un peu républicain modéré, voilà. Et puis un autre Réusé qui sera socialiste. Il faudra attendre 1902 pour qu'il y ait le Parti socialiste, Jules Moll-Heureux, qui va s'installer à la Bourse du Travail et qui lui va autoriser la Bourse du Travail à fonctionner, on va donner, etc. Donc ça a été pendant 10 ans, ça a duré. Hein, 10 ans. Bon, alors, le personnage qui va écrire cette pièce, Pascal Merda. Alors partout, moi j'ai cherché dans les documents. Alors, à l'Occitane, à 7, il ne faut pas trop se casser la tête, 1894, il y a un almanach, qui va apparaître, sur le modèle de celui de Mistral. Je ne sais pas, vous savez, Mistral, en 1854, il fait un mouvement du féminisme pour la renaissance du provincial, etc. Donc, 50 ans après, 40 ans après, à 7, ils vont fonder un mouvement, une association. Je vous coupe. Oui. Un mouvement, comment vous avez dit ? Félibréen. Félibre de province. Félibréen, vous dites ? Oui, Félibréen. Ah, Mistral, qui est de Mayenne, là, il va fonder en 1854 le Félibrige, quoi, hein, qui veut dire. Donc c'est une association pour faire reconnaître la langue provençale, un peu partout. Donc à 7, il faudra attendre. Voilà. Ça, celui qui va être un des directeurs, c'est un négociant, c'est toi, Soulé. Donc c'est la bourgeoisie. Ils publient un almanach, et dans cet almanach, voilà, de 1894 jusqu'à 1913, pendant 20 ans il a publié, il y a une chronique. Et cet almanach, donc, c'est des calgiades. Hein. C'est écrit pour tous les sept. Dans cette façon de s'exprimer en occitan, il n'y a pas de revendication. La langue de l'almanach, c'est pour tout le monde. Hein. Alors, c'est, la sociologie, elle est affective. C'est pour le marin costaud, pour le bourgeois, pour l'ouvrier. Il n'y a pas de contestation. Hein. La langue, dans ce milieu-là, la langue occitane, c'est une langue de connivence. C'est-à-dire qu'on parle occitan entre soi. Pour pas que le voisin étranger là-bas ait compris, on est entre nous, on est bien, et on ne veut pas que ça change, quoi. Donc on raconte des galéjades, des histoires, etc. Donc ils maintiennent pendant 20 ans, ils ont une chronique. Et là-dedans, on ne parle pas de la pièce de Pascal Merda, là, j'ai rien trouvé. Vous regardez les journaux de l'époque, il y en a 7, il y a le journal de 7, il n'y a aucune annonce sur ce journal, là, c'est là où ça passe, c'est de Pascal Merda. Personne ne le connaît, moi je n'ai pas trouvé. Alors, où c'est qu'on va le trouver ? Voilà. Par contre, la police, elle le connaît. Depuis 1882, elle l'a fiché, comme anarchiste. Voilà. Hein. Ça, c'est la photo de la Sûreté Générale, tirée en 1894. Pascal Bernal, c'est un charretier. Il est né dans l'Aude, ville Gaillen, du coup de Carcassonne. Alors là aussi, c'est intéressant parce que la famille, son père est cultivateur. Et la famille va venir à 7, qui attire du monde, comme c'est le port. Son père va abandonner le métier de cultivateur pour entrer à la gare. Il y a beaucoup de cultivateurs qui rentrent à la gare parce que la gare, elle attire, il devient aiguilleur. C'était un métier robuste, quoi. Il fallait des bras pour tirer sur les aiguillages. Et c'était à la fois une promotion pour eux parce que ça permettait une petite hiérarchie, une petite maîtrise, ça faisait. Un salaire, etc. Donc, il arrive là, lui, Pascal Bernal, dès naissance, il a le bras droit, il a des problèmes, il est handicapé, il va faire charretier. Hein, c'est-à-dire le charretier sur le port, il allait au bateau, il montait les fûts et il s'apportait dans les magasins. Il n'y avait pas des docks, hein, c'était des entrepôts un peu partout, donc il fallait amener les fûts. Dans le magasin, c'est un port de vin. Il hein. Y a le phylloxéra dans le Languedoc en 1874, c'est la ruine. Hein. Donc, Sète, lui, va se tourner vers l'étranger, il va faire revenir le vin d'Espagne. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est le phylloxéra? Le phylloxéra, c'est la... La vigne. Elle a été piquée par une espèce de charançon qui attaque les ailes. Et donc, il va y avoir tout le vignoble et... C'est un des vols de la France, d'ailleurs. Oui, c'est de la France. Donc, celle qui importait le vin du Languedoc, il n'a plus de vin pour fonctionner, parce qu'on transforme on fait beaucoup d'alcool à cette fin. Donc, il a fait revenir le vin d'Espagne, en priorité, puis ce sera d'Algérie plus tard, hein, dans les années 62, hein, le siècle de ça. Hein. Donc, Oui, pour vous dire, on faisait donc à cette non seulement du vin, le vin, on le mettait dans des tonneaux. Donc, on importait du bois, des douelles. Vous savez, pour faire un tonneau, ils appellent ça des douelles, c'est-à-dire des morceaux de tonneaux pour les assembler. On faisait venir ça d'Odessa, qui est en Ukraine, qui était en Russie à l'époque. Il y avait des sympathisés de toute l'Ukraine. Ça venait, et on fabriquait les tonneaux. Vous aviez sur les quais des Seine des kilomètres de tonneaux pour emmagasiner le vin. Hein. Alors, à cette, on faisait tous les vins du monde. Les mauvaises langues disaient, on faisait tous les vins avec tout sauf avec du raisin. On faisait avec avec du mou, etc. Donc j'avais un trafic qui faisait ça. Donc des charretiers faisaient ça et on allait entreposer ça dans des magasins, hein, un peu partout comme ça. Ce que faisait Pascal Verdal. Donc la police, elle le connaît. 1881, Verdal, il est secrétaire d'une association anarchiste qui s'appelle La Misère. Il est gérant, c'était le directeur, hein, d'un journal que je n'ai pas retrouvé, Le Droit Naturel. Il y a eu deux numéros, c'est important. Hein. Donc il est connu. Après, il va, on verra plus tard, il va continuer, il va se présenter, lui, les anarchistes sont contre les élections, mais on va le retrouver en 1902 aux élections législatives. Il va se présenter candidat ouvrier, seul. Alors, c'est amusant parce que je vais me faire. Il va se présenter, il a un programme qu'il va faire passer dans le journal de Sète, il le fait en français. Verdal, il est connu, il continue quand même à écrire des poésies dites à Sétoile. Hein. Alors le journal de l'époque, c'est le journal de Sète. Il fait sa déclaration de foi, c'est pour mai 1902. Voilà ce qu'il écrit, je ne dis pas tout. Hein. C'est Verdal qui écrit, une seule question m'intéresse et je n'en démordrai jamais. C'est l'amélioration du sort des travailleurs. Personne n'ignore que chacun doit manger où il se trouve. Pascal Verdal, candidat ouvrier, est né de sous. Je suis à sec, il n'y a pas un sou. Je n'aurai pas de bulletin et je resterai certainement pour le second tour s'il y a lieu. Et le journal qui met ça, il précise le rédacteur en chef, il ajoute, contrairement à ses concurrents, le candidat Verdal ne promet pas grand-chose à ses électeurs, mais il n'aura pas le reproche s'il est élu d'avoir failli à ses engagements, comme il ne promet rien. Je ne sais pas ça. Alors, le janvier, il va faire 7 voix. Et le second tour, il fera 157 voix. Donc, il va être élu à sa place, Salis. Qui va être élu pendant 10 ans, c'est des députés, vous savez, qui restaient. Salis, c'était Jacques Salis, il commence par l'anarchie. On le retrouve un peu avec des idées anarchistes, puis il va devenir radical. Et de plus en plus, il va devenir socialiste, blablabla, quoi. Ça va durer pendant 10 ans, de 1902 jusqu'à 1908, il était là en place. Quoi. Voilà Verdal. Et Verdal, donc, il racontait des histoires de poésie. Voilà. Alors, regardez. Le mouvement anarchiste à Sète, comme partout, dès la début, on le retrouve. En 1964, je fais un peu l'érudit, mais j'ai regardé. En 1964, à Londres, il y a l'Association internationale des travailleurs qui se crée. Hein, c'est-à-dire que c'est des ouvriers de Paris et des ouvriers de Londres qui se réunissent pour dire on va faire une internationale. Hein. Et l'internationale, l'année, dès 1865, on va essayer de l'implanter en France. À 7 heures, on voit arriver l'étranger, André Marcellica, Marseille, qui va dans le milieu des tonneliers, parce que les tonneliers, à 7, c'était une petite. Des compagnons, donc c'était un petit groupe à part. Donc il va commencer à mettre un peu des cellules de l'Association internationale des travailleurs chez les tonneliers. On est là dans les années 1870. André Bastinica, lui, après, on va le retrouver à la commune de Paris. Il va tourner un peu, comme beaucoup, plus cher, l'anarchiste, il tourne après, hein. Beaucoup, pour, même pour l'empereur, qu'on retrouvera. Et il reviendra à Marseille, à Bourg, etc., à André Bastinica. Et le deuxième, alors, qui va installer la première association anarchiste, c'est Sibylla. Sibylla, c'est un Lyonnais, anarchiste lyonnais. Lui aussi, qui vient à 7, dans le milieu des tonneliers. Hein, qui va installer là. Et il va créer le cercle des travailleurs. Voilà, 1880, c'est la première cellule anarchiste de cette loi. Alors, Sibylla, comme c'est jamais dans la bougeotte, hein, il vient de Lyon. Il est à côté de Lyon, il descend à 7, il va partir avec sa famille, il va monter dans le nord, de Guise, au Familistère, les fourneaux. Actuellement, là, vous voyez les fourneaux, il y a la publicité des fois à la télé, dans le nord, on fabriquait des fourneaux. Le Familistère, c'était, vous savez, Fourier et d'autres, où on vivait à l'autarcie, les ouvriers vivaient à l'autarcie, on essayait de mettre le socialisme à la mode. Là, on était payé selon son mérite, etc. Ça ne vous dit rien. Si, si, le Familistère de Guise. Il a été restauré. Alors, il va rester Sibylla avec toute la famille. Il quittera sa famille parce qu'ils ont la bougeotte, hein, ces gens-là. Il va laisser ses enfants, il va redescendre à Lyon, et on ne le retrouvera pas, on ne le retrouve plus. Il avait une fille. Cette fille, on va la retrouver dans l'Hérault, mais en 1906, quand il y a la séparation des églises, vous savez, de l'État, elle est institutrice, hein, dans l'Hérault canton, et elle va camper sur la place du village, elle va refuser de rentrer dans son école, tant que la mairie n'enlèvera pas le crucifix qu'il y a dans la classe. Bon, c'était la parenthèse, c'est vrai que ça. Donc, 18, on est là. Donc, il y a le journal de l'anarchiste Le Révolté, 1882, qui va faire la liste en France des anarchistes. Il note 2600 anarchistes en France, vous voyez, hein, et 6 groupes à 7, 81. Alors, moi, 81, j'ai dit, on va voir, j'ai essayé. Alors, les anarchistes, on les repère, c'est pas facile. Hein. Il faut aller aux archives. Vous trompez là sur des dossiers, parce qu'on a la chance, enfin la chance, c'est tout qui pour ce qui reste, rien. Hein. Vous avez des. À l'époque, ils ne faisaient pas des fichiers, c'était des notices individuelles. Hein, c'est la fichier, c'est pas. Notices individuelles. Alors, il y avait tous les mois, la préfecture faisait une liste des anarchistes de l'Hérault. On a la chance, entre guillemets, à Montpellier, aux archives départementales de Montpellier, d'avoir les cahiers, d'avoir regardé ça. J'ai retrouvé la photo là, qui vient de là-bas, hein, qui est là-dedans. Donc vous avez. Alors moi j'ai regardé, parce que c'est immense, il y a tellement. J'ai regardé les 7 toits, moi je dis, parce que les 7 toits. Donc j'ai pris des notices. J'en trouve 41. Hein, c'est 41. Donc les historiens diront un peu de l'anarchie, qu'effectivement, le milieu anarchiste, c'était pas 2600, c'était un peu la moitié, quoi. Il y a 41. Alors, les notices individuelles, j'en ai trouvé, au début, il y en a très peu, hein. C'est des listes comme ça, sur le papier, etc., avec des erreurs, etc. Les notices, il commence à y avoir une dizaine, une quinzaine de notices en 1894, je ne sais bien pourquoi, et 1896. Ben, il commence à y en avoir, là, ça, oui, oui, oui. Alors, notices individuelles, il y a le nom. Alors, il y a 6 groupes à 7, hein. Alors, je vais vous les lire, ce sera pas fini, hein. Il y en a 6. Alors, le cercle des travailleurs, cœur de chaîne, l'audace, l'égalité sociale, la misère, celui, et la révolte, hein, ils ont tout ça. Alors, dans ces groupes-là, particularité, vous pouvez rentrer, on ne vous demande rien, hein, on ne vous demande pas pourquoi vous allez là, vous pouvez y aller, vous pouvez sortir, vous n'avez aucun compte à rendre, c'est des cercles comme ça. À 7, alors, donc, ces groupes-là vont faire de 1800, on est en 1881, pendant 10 ans, jusqu'à 92, ils sont là. Chaque groupe a un café attribué, dans l'arrière-salle. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils correspondent entre eux, oui, plus ou moins, quoi. Et encore, on n'a pas, hein. Donc, ils sont à part. On verra après leur fonctionnement. Donc, les gens qui sont dans ces groupes-là, donc, ils font souvent l'objet d'une fiche, hein, d'une notice individuelle. Vous en voulez. Alors, il y a le nom, après vous avez le surnom derrière. Le surnom. Alors, à 7, ils sont. Il y en a qu'un occitan, le grappin, qui se disent le crapaud. Après, c'est le Fouisé, Ravachol, il y en a un, oui, tout ça. Après, vous avez après le nom de la, des parents quand ils savent. Hein. Après, vous avez les particularités physiques, ça intéresse. Ça, aussi la mesure. Hein. Oui, il faut tous à peu près, les anarchistes, 1m65, 67, comme moi, hein. Moi je fais 1m67, hein, je fais 1m67. À 7, ils sont tous originaires, hein, les 41, là, de l'Hérault. 20-30% de 7, hein, comme partout. Hein. Les anarchistes, ils sont originaires du département où ils sont. Très peu d'ailleurs. Hein. Ils sont, donc je vous dis, physiquement. Alors après, on note 1m65, l'âge à 7, la moyenne, c'est 31 ans. Hein, ils ont 31 ans. La durée dans l'anarchie, il y en a, hein, comme Pascal Bernard, toute leur vie, il y en a, c'est une dizaine d'années. Hein, une dizaine d'années. Sur le mariage, ça c'est plus difficile hein, parce que c'est très peu noté. C'est un milieu où on est libre. Il n'y a que des hommes Alors, les fiches, il n'y a que des hommes parce que les femmes ne sont pas considérées comme anarchistes, mais comme complices. Hein, elles ne sont pas. Si parce qu'il y en a deux. À 16, vous avez Sorel Ernest, dont on parlera. Oui. Sorel Ernest qui est marié avec la Médiette, sa femme. Alors, elle est active, elle fait partie, donc elle est complice, collaboratrice. Elle est la maîtresse attitrée de notre anarchiste, au sud de tout le monde. J'aime tout ça. Le partage. On vivait, comme on dit en Occident, à la colle. Vous savez, c'est quand on vit ensemble, ça va être marié, on dit ça, c'est avancé, tout ça, c'est aussi à la colle. La colle, c'est l'équipe qui travaille au vendage. Hein, l'équipe c'est la colle, parce que sur le port c'est autre chose, c'est la même, mais voilà, donc ils sont à la colle, mais ça on ne sait pas trop, mariage, après il y a les défauts physiques, ça c'est important, on considérait au 19e siècle les défauts physiques comme le signe de criminalité, par exemple un tatouage, des grandes oreilles, alors à 7 il y a des grandes oreilles, des paupières rouges, on note ça, hein. Il y en a un, qui marche comme un efféminé. Marqué. Hein. Alors bien sûr, c'est celui qui établit l'affiche, c'est le commissaire de l'époque du lieu. Hein. Donc c'est toujours à charge. Hein. C'est pas, tous les occupants, ils sont à charge. Hein. Donc voilà, ce milieu-là, il est là. Après, recrutement, très peu de jeunes à celle-là. Un seul jeune, il a 18 ans, Richard François. Il est, alors bien sûr, il est anarchiste à 18 ans. Il a, le commissaire il dit oui, c'était bien d'avoir des étudiants, de venir, parce que ça permettait pour écrire dans la presse, etc., besoin de gens instruits. Donc, il y avait d'autres. Alors, sur Richard, la police dit ouais, c'est rigolo, quoi. Il est rentré à l'anarchie pour se faire revoir. Il roule les mécaniques. Il a passé l'examen de Hague, il y avait. Un collège pour la marine, hein, il va échouer, etc. Son père tient un café. Ouais, c'est un rigolo. C'est vrai que c'est un rigolo parce que c'est lui qui marche féminin. C'est lui qui, un an après, il va quitter l'anarchie. Hein, il va rentrer même, il va se marier et il va rentrer dans une bande. Il dira, oui, je me suis trompé, je me suis trompé, etc. Quelques embauches également parmi les, comme dirait, le commissaire, parmi les ceux qui sont un peu au camour, là, qui ne sont pas trop intelligents, des trucs qui ont des problèmes mentaux, il y en a un à 7, Cassuis, un autre, ou alors des excentriques. À 7, vous avez un type qui s'appelle Mouisset, il vend les journaux sur la place à 7 avec haut de forme, et il met la note des journaux, le père Pélard, les urgés, le révolté, vêtu de rouge, vous voyez un peu, hein. Voilà, c'est ce milieu-là qu'il y a. Bon, après, oui, ça fait tout ça, ça fait pas ça. La vie de ces gens-là, ils sont, tous les jours, ils sont, entre guillemets, pistés. Hein, la police locale, ça les pistés. À 7, vous aviez deux, pour la police, un mot de la police locale, elle est payée par le municipal, elle est payée par la mairie, vous aviez deux inspecteurs, il y a deux arrondissements à c'est vrai, c'est une trappe de premier habitat, non. Les inspecteurs, ils sont payés par la mairie et nommés par la préfecture. Vous voyez. Et au-dessus de ces gens-là, vous avez un commissaire spécial qui était celui, renseignement généraux, quoi, hein, voilà, hein, qui faisait ça. Et tous les jours, ils envoyaient un rapport à la préfecture. C'est pour ça qu'on a des... Ce qui reste, c'est ça, hein. On sait leur vie à partir de ça. Hein, donc, voilà, c'est fabuleux, quoi, il faut faire le dossier de presse. Alors, donc, dès qu'un anarchiste était pisté, le gars le suivait, il avait un agent qui le suivait, 8h10, il sort de là, 8h11, là. On allait voir le patron pour dire qu'il était anarchiste, donc pour le licencier, etc. Quand il prenait le train, parce que les anarchistes, il y avait des anarchistes à Montpellier, hein, par exemple, c'est la, 7, la ville de Thierry, c'est pas le 10, c'est Montpellier. Donc, 3 ou 4 anarchistes de 7 allaient souvent à Montpellier, chez Laborie, qui était également un anarchiste connu, donc... Il y avait un télégramme qui était envoyé, commissaire spécial, il a envoyé un télégramme à la gare de Montpellier, à notre chef, pour lui dire, attention, il a pris le train, etc. Alors, problème à cette télégramme arrive toujours en retard. Quoi. La préfecture se dit, bon, mais il m'a envoyé le télégramme, il est déjà parti, on ne sait pas où il est passé, quoi, l'anarchiste. Donc, c'est, ça fait des temps. Alors, nos anarchistes, c'est toi. Règle générale, hein, c'est des grandes gueules. Voilà, ils sont considérés pas dangereux, mais les grandes mailles. Hein, les grandes mailles, c'est comme on dit. On verra après pourquoi. Voilà, les grandes mailles, ils ne sont pas dangereux. Donc, ils se réunissent jusqu'en 1892 et 93, chacun dans un café des six groupes, là, qu'on a vu là. Alors, dans le café, pardon, pas ensemble, de chacun un café. Hein, de chacun un café, dans l'arrière-boutique, comme ici, par exemple, ils viennent là, etc. Ça permet. Le patron de café qui a ça, il n'est pas anarchiste, tu vois. Il y en a, puisqu'en 1892, les six groupes vont disparaître, à 7, il y a des problèmes. Ces groupes-là vont disparaître, et on ne va plus parler donc, à 7 que du nouveau, que du groupe anarchiste, c'est toi. Plus les groupes. Hein, 1892, puisqu'il y a un anarchiste de Paris qui va descendre pour essayer de restructurer un peu le mouvement, il dit, ouais, non, ça ne marche pas. Quoi. Donc, et le dernier groupe, il se réunira dans un seul café à ce moment-là, qui sera le café du Gard. Le patron, c'est Lapeyre, qui n'est pas anarchiste. Il sert, ouais, particularité, là-dedans, dans ce café, on lit les journaux. Le journal anarchiste du coin. Donc, les anarchistes, ils reçoivent soit le journal de recevoir à domicile, soit ils allaient le lire au café. Voilà. Au fur et au vu de tout le monde. Quand ils jouaient aux cartes également, alors il y avait une quinzaine de places, et là-dedans, il y a toujours, à un mètre de là, il y a le gars de la secrète. Le policier de service, Durand, il est toujours là, à côté des anarchistes. Ils jouent aux cartes avec eux, hein. Voilà, et vous avez donc, ça se passe comme ça, et puis vous avez, quand il n'est pas là, Durand, c'est le patron de café qui joue le rôle de... Le mouchard, on appelait ça les points trop, qui de temps en temps renseigne la police, vous savez, il n'y a pas grand chose à cette unité à renseigner. Voilà. Et ça rapporte, hein, parce que un bar à 7, il y a énormément de bars, hein, comme on voit. Hein, le patron du bar s'appelle Lapeyre, en 20 ans, non, en 10 ans, il va augmenter son capital de 20 fois. Hein, c'est pas, il ne triple pas, 20 fois, ça lui permettait d'acheter une baraquette, il faisait de l'argent avec, quoi. Hein. C'était, voilà, ce milieu-là, en fait, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont là entre eux, tranquilles. Alors, cette pièce-là, on va faire une parenthèse, genre de pièce, où c'est que vous pouvez la lever, hein, ce genre de pièce, donc pas au théâtre, parce qu'à cette, vous aviez un théâtre municipal, pas celui qui est actuellement à la Grande Rue, c'est un théâtre qui était dans un peu plus haut vers le port. Là. La Troisième République, elle a horreur de voir des manifestations dehors. Elle autorise des réunions publiques, mais qu'elle a le lieu fermé. Donc à cette époque, il y a le théâtre Jeannet, on faisait venir la Comédie Française, il y aura Sarah Bernard qui viendra, également les troupes, la troupe du gymnase de Marseille, qui vient, etc., énormément, et on faisait des réunions publiques. Hein, des réunions lors des élections, donc, etc. Et donc, même les anarchistes pouvaient se réunir. Il fallait demander la salle. Il faut demander la salle, vous demandez la salle, vous aviez, oui, l'autorisation, etc. Et dessus, alors, quand on se réunissait, il y avait une estrade, on nommait un président, deux assesseurs, et on faisait la la réunion publique. Et de la, dans la salle, toujours le policier de service qui va faire le rapport. Hein, qui pas, donc, c'est pour ça qu'on a des témoignages encore de ce qui s'est passé là-dedans. Quoi. Donc, c'est toi, c'est ça leur passion aussi. Après, ils vont faire des réunions publiques. La première, une des réunions publiques qu'ils font en 81, c'est Louise Michel qui arrive. Alors là, c'est la vedette. Hein. Parce que Louise Michel, elle est libérée en 1880, je le dis, elle meurt ici en 1907, mais elle va vivre comme ça, faire des déclarations. Donc, elle vient à 7 heures. En 81, elle va faire une conférence, c'est plein. Ni de 400 personnes qui arrivent. 400 femmes, ça c'est toujours le commissaire spécial qui fait, c'est, elle va monter, il y a l'estrade, il y a une table avec la statue de la raison en rouge, mais comme dira le commissaire central, pas terrible. Dans Louise Michel, pas terrible, c'est du réchauffé, elle parle de l'engagement, etc. C'est ennuyeux, bien sûr, c'est lui qui écrit, hein. C'est ennuyeux. Oui, parce que du coup, ce que vous dites, c'est finalement les archives, c'est le témoignage de la police. Donc c'est quand même le discours. Partisan, toujours. On n'a pas notre côté. Ouais. On a rien. Même les journaux, quand c'est le journal local, il reprend un peu ce que dit quand il y a des. Mais c'est toujours négatif. Hein. Négatif. Hein. Alors il faut après, essayer de voir derrière ça, des fois, et puis parce que dans le souci du commissaire spécial, il y a ça, rendre compte, ne pas déplaire à la hiérarchie, hein, il faut également le présenter d'une certaine façon, pour ne pas dire que c'est l'anarchie, quoi, pour dire que le métier, que la police a fait son métier, que tout est en place, que tout est sous contrôle, quoi, c'est ça. Quoi. Alors je veux dire, Louise Michel, pas terrible, donc 400 femmes, ça va pas durer, oui, ça va pas durer. La deuxième, quelques années après, c'est donc en 98, ça se passera à la place de Lille. C'est pour vous donner une idée de ce qui se passait là-dedans, c'est d'or. C'est un autre anarchiste qui veut me parler, lui, de l'anarchie. Donc il y a ce fameux Richard qui va accompagner le conférencier anarchiste, et c'est là qu'il va se découvrir anarchiste, qui ouvre la caisse, etc. Quoi, qui va dire c'est moi, je vais vous présenter, etc. Là également, pendant 2 heures, il va parler le gars sur l'anarchie, c'est marqué les gens dormaient. Alors il faut que les gens dorment. Alors pour réveiller les gens, il va parler des mœurs anarchistes, la façon de vivre mari et femme. Alors là, imaginez un peu ce que il va accepter de ces histoires. C'est tellement la pagaille que pour interrompre, il dit, allez, on arrête tout, vive l'anarchie, et puis c'est terminé. Quoi. Voilà, c'est un peu ce genre de conférence qu'il y a. Hein. Ouais. Il y a d'autres. Alors, pour également là-dedans, la porte, c'est les anarchistes qui font payer, on fait payer l'entrée de 25 centimes. Et c'est les anarchistes qui font payer et qui font le contrôle. Donc le policier passe donne son petit voile parce que tu l'as et il paye pour entrer, pour assister à la conférence, tout quoi. Ça ne se fait pas qu'à 7. Hein. Alors pour en revenir à ce théâtre, donc le théâtre ne se joue pas à cette pièce là de Pascal Bernard, c'est pas une pièce qui se joue là, c'est un théâtre. C'est une pièce, comme on dit, je vais faire un peu plus à l'abîme. Vous savez, l'abîme, c'est-à-dire que vous avez représenté sur la scène la réalité. Cette scène, c'est une séance de la bourse du travail, hein, c'est la réalité. C'est un théâtre d'engagé, de combat, qui se fera plus tard. L'idée, c'est pas que les gens assistent à une pièce, qu'ils applaudissent, que les gens se disent qu'ils participent, quand ils sortent, qu'ils ont envie de dire oui, c'est vrai, c'est des publics, ne pensent qu'à eux, ils feront rien pour les ouvriers, nous, les anarchistes, on ne peut pas faire. Hein, c'est un théâtre de combat, comme on dit, engagé. Donc il existait un théâtre malheureusement disparu, c'est un théâtre de propagande. Hein. Alors on n'a aucun témoignage à cet écrit, donc on a un témoignage à Montpellier de ce fameux théâtre qui se jouait dans les cafés. On faisait des soirées militantes. Ouais, il y a pas ça, vous pouvez donc. Allez, doué. Parce qu'il y a Montpellier, il y a un quartier, oui, voilà, c'est là. Il y a le quartier Sub, c'est le des quartiers populaires à Figueroa, là, à Montpellier. Il y a une population intellectuelle, il y a l'université, les ouvriers, il y a le monde du travail aussi à Montpellier. Hein. Donc, dans ce café-là, Sub, c'est un gars, il est comme à 16, hein, il ne fait plus d'argent, il ne sait plus que faire, hein, donc, café, il commence à péricliter, donc il fait venir, il attire une clientèle d'étudiants, d'ouvriers, etc. Et là, là et ben, il y a des soirées anarchistes, comme il se faisait d'ailleurs ici. Alors, il est café, regardez. Moi, ce que dit toujours le commissaire, hein. Ce quartier attire tout ce que le faubourg Figueroa. Le Figueroa, c'est du côté de Cabane. Je ne sais pas si vous connaissez Montpellier. Hein, c'est vers les arceaux là-bas. Hein, c'est des quartiers populaires là-bas. Alors, tout ce que le faubourg Figueroa compte de plus mauvais, regardez. Alors, il donne des soirées dansantes qui durent être interdites par la municipalité à la suite de celle sanglante. Vous avez un peu, c'est mal famé, hein. Alors après interdiction, c'est là, et il va faire venir le théâtre du peuple, qui s'appelle, hein, et la société, la pensée libre. Dans une vaste salle, au fond du quartier, des conférences sont données sans autorisation, parlez-vous, hein. Des concerts également. On y joue certaines pièces qui ont échappé à la censure. Toutes les pièces qui paraissaient, il fallait les envoyer, hein, qui est l'apport du préfet. Et dont les auteurs sont souvent des anarchistes. Des chansons, des monologues inaudibles, ils sont débités. Généralement, toutes ces chansons, toutes ces pièces, tous ces monologues ont une tendance anti-militariste et antisociale. Hein? La moralité qui s'en dégage est souvent dégoûtante. C'est des mots, hein, un peu à l'époque. Hein? La police n'a pas accès dans ces salles d'entrée et pour étudier au public. Aucune carte n'est distribuée. Mais les anarchistes surveillent l'entrée. C'est dans ce cloaque. Oh, il y a un peu là les mots. Donc vous pourriez. C'est ça un peu. Troisième République, elle fait rentrer le jugement moral. Le jugement moral, il n'y a pas de. De ce cloaque, qui a l'essence d'une feuille. Et là-dedans, ce sont des fils d'employés, des bureaux, des élèves des écoles des beaux-arts, des jeunes de 15 à 18 ans. Surtout des imprimeurs, des jeunes modistes, des commises, qui pour la plupart entretiennent des relations intimes avec ces jeunes gens. Vous voyez, c'était ça. Quoi. Donc c'était ça, dans un café. C'était ces pièces-là qu'on retrouvait. Ça se faisait à Marseille, hein. Théâtre social. À la Bourse du Travail. Voilà. C'est le. Nous, on a la chance. Attendez, ça, c'est une pièce. Un contenu littéraire, il n'y en a pas. Mais c'est un témoignage extraordinaire. Et qu'elle soit en occitan, encore mieux. Parce qu'à 7, comme je vous disais, on parlait de l'almanach, c'est toi, c'était galéjade, tout ça. Jamais. Quand il y avait des poésies ici, vous aviez des poésies dites populaires. On a un ouvrier qui s'appelle Ferblantier Roche. Mais la poésie populaire, en patois, comme vous disiez, on essayait de faire comme Lamartine. Ça n'a jamais été pour dévaser les ouvriers, pour dire la condition ouvrière, c'était pas ça, hein, c'est tout. Chacun voulait être Victor Hugo, Lamartine, ça n'avait rien, hein, je veux dire, hein, à ce genre-là, je faisais ça. Il n'y avait pas ça. L'Occitan, c'était les patrons parlaient patois, comme en Marseille d'ailleurs, hein, partout, hein, c'est le même principe. Hein. La première immigration dans le Midi, dans l'Occitanie, c'est pas les Italiens, hein, c'est les gens de l'Aveyron, de l'Ariège, qui vont venir. À 7, vous avez donc les Ariège, elle venait pour 2 minutes, ils venaient à 6. Bon, il y avait le port, et également les femmes, elles venaient pour être bonnes chez les négociants. Parce que il y a un monsieur, un sociologue joli au 19e siècle, qui va parler de 7, il met les mains sur la tête. Marseille à côté, c'est fini, ils étaient dans les roues, il y a une ville pourrie, c'est 7. Il y a une ville où il y a de malfaisants. C'est une ville où elle s'enrichit, les gens ne pensent qu'à s'enrichir, le vin va enrichir, oui, c'est vrai que les négociants vont s'enrichir, donc ils vont. Vous avez qu'à voir, si vous avez l'occasion de vous promener à Sète, vous allez sur le boulevard de Victor Hugo, jusqu'au quai. C'est des villas de pierre de taille. Ils voulaient faire, vous voyez, du boulevard de la gare, si vous voyez Sète, il y a une avenue comme ça. Après, elle est interrompue par un pont qui tout se rétrécit, et là, c'était le faubourg, hein, pour aller sur le port. Il y avait le projet d'ouvrir comme Haussmann, hein, parce que c'est ça, hein, on voulait ouvrir ça jusqu'au bout, et vous avez des millions de pierres de taille. Tous les négociants étaient là, ils faisaient de l'argent. Négociants qui venaient pour la plupart, je ne sais pas c'est quoi, ils venaient pour la plupart des Sainte-Marie-aux-Mines d'Alsace. Hein, c'est pour ça que j'ai bien le temps, là, c'est. Ils étaient un peu républicains. Hein. Voilà. Et quelques citoyens, donc, celui qui était revenu, oui, je vais souvenir. Oui, ils se sont enrichis. Donc, le Joly, ils disaient, c'est une ville de voyous, de cochemétus. Le cochemétus, le Kouchavestit, comme on dit nous, c'était donc c'était des vagabonds, parce qu'à Sète, vous avez donc des journaliers, voilà. C'était des gens à tout faire, qui allaient sur. Pour aller décharger un bateau, il n'y avait pas de carte. Hein. On se mettait devant le bateau, on attendait. Il y avait les chefs d'équipe qui prenaient un tel, un tel, avant, ça attendait, etc. Donc, alors, justement, parenthèse, le milieu, j'ai oublié de vous dire, le milieu anarchiste à 7, commerçant, artisan, plâtrier, aucun portefeuille. C'est marrant, hein, parce que, les ouvriers, les toquers, enfin, les portefeuilles, c'est ceux qui sont en pointe auprès du syndical. À cette époque-là, à 7, on est dans les années 1890-1914, il y a une grève tous les jours. Hein. Vous avez l'impression qu'il y a grève tous les jours, hein, je veux dire. Le syndicat qui fait bouger le port, ce sont les toquers qui sont capables de faire des grèves générales locales. On ne demande pas ça à 7. Ils sont plus de 2500 dans l'année. Ils refusent de décharger les bateaux. Non c'est une force. Donc on ne les retrouve pas dans le mouvement, on va les retrouver dans le travail, hein, comme pioche, ils seront. Quoique les frontières n'étaient pas si. Voilà, on pouvait être un parti politique, un militant anarchiste, un syndicaliste, il n'y avait pas de frontières d'étrangers. Quoi. À l'époque, il suffisait d'avoir un peu de gueule, d'être un peu bougé. On vous prenait délégué syndical, on vous prenait dans le parti politique, on recherchait des gens. Hein. On est là, en Troisième République, vous avez les idées socialistes qui commencent à émerger, donc il faut trouver des cadres. Il n'y a pas. Hein, à la Bourse du Travail, c'est ça qui est extraordinaire. C'est des gens, des ouvriers, qui se, comme ce Verdun, là, Pascal Verdun, il est charretier. Hein. Hein, charretier, il ne fait pas d'école, il vous écrit à Mère. Toute sa vie, lui, il est handicapé, il va vivre aux dépens de sa famille. Il vivra chez sa famille, il mourra à 70 ans, il sera chez sa sœur. Hein, dès 1895, il ne sera plus inquiété, parce qu'il est estropié des jambes aussi, il ne peut plus marcher. On n'en pas à l'air, donc vous avez cette force ouvrière, alors, c'est ça, donc les dockers ne marchent plus, hein, c'est eux qui paralysent la ville. Hein, donc on n'a pas les anarchistes chez eux. Hein, on a, par exemple, Ernest Lorraine, des tailleurs d'habits. Hein, on a des tailleurs d'habits, on a des plâtriers, mais on a pas ça avec quelques noms qu'on a, quelques professions qu'on a, hein, qui a fait ça. Quoi. Donc ce théâtre-là, on revient au théâtre, ce fameux théâtre, il était fait. Ce théâtre d'Armélien, on le faisait dans les bars, dans les cafés. Hein, comme on parlait ici, ça se faisait le théâtre sonore, il y a René Bianco qui avait fait une thèse ici. Alors, c'était souvent en français, moi j'ai trouvé la pièce en occitan, mais René Bianco, il parle d'un discours, une pichotte, une mère qui, le petit va partir à Biribi, elle est condamnée, en provençal, je ne sais pas retrouver aux archives ici. Alors bon, après, parce que les archives aussi, hein, ça vient, je n'ai pas retrouvé. Hein. Mais de jouer dans la production occitane de l'époque, on te disait la production occitane au 19e siècle, c'est le curé. Hein, que souvent, ils sont originaires, parce que le curé, ils employaient l'occitan, etc. Quoi. Donc, ouais, et trouver une pièce comme ça, c'est unique. Unique dans le milieu. Moi, je n'ai pas retrouvé d'autres. Hein. Ouais, pas, hein. Il y a des pièces en occitan sur les grèves, mais ça, c'est des érudits, entre guillemets, qui le font, mais il n'y a pas. Donc voilà cette pièce, l'intérêt de cette pièce c'est ça. Après il faut broder, vous voulez, il n'y a rien, la pièce elle raconte ça. Hein. Alors je vous ai dit, ces gens-là ils se retrouvaient donc dans les cafés, ils lisaient les journaux. Alors une anecdote pour ces journaux, on lisait l'insurgé qui vient de Lyon, le révolté et le père Pénard. Pourquoi ces pièces elles nous ont une importance? Le père Pénard il va nous l'expliquer, il dit, nous les ouvriers, hein, les idées, ça vole haut, tandis qu'avec une pièce, tu vois tes idées de chair et d'os devant toi. C'est ça qui attire le théâtre. Vous voyez la force de ce théâtre, c'est ça. D'ailleurs, dans les années 68 tard, vous savez, même au sud-américain, c'était ça aussi de dire, c'était un théâtre. Il y a eu, dans les années 2000, il y a trois, il est ici, je crois, le théâtre de combat, il y a trois universitaires qui avaient sorti, ils avaient recensé des pièces anarchistes de l'époque, au début du siècle. Alors, plutôt que Brecht, avant Brecht, il y avait des pièces d'Arien, par exemple, parisien, ça c'est intéressant, hein, il y avait. Donc, il est là, au volume, hein, je ne sais pas comment il est. Louis Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, il y avait un théâtre social également à Paris, hein, ça. Mais ça se faisait, ça se faisait, voilà, ça se faisait, on n'a pas de traces parce que ça se faisait dans des cafés, quoi. Alors, vous aviez le même type de théâtre à 7, c'était le théâtre chichois, elle se faisait, c'était sur une place publique, on mettait des bancs, c'était un théâtre populaire. Alors là, c'est un petit provincial, quoi, hein. Bon, on n'a pas de... Oui, et puis je veux dire, voilà, la force du théâtre, c'était ça. Quand vous sortiez de cette pièce, hein, vous devez être militant, anarchiste, hein. Vous aviez, alors, la particularité, c'est, donc, il y a des dialogues, et à un moment donné, vous avez des plâtras. C'est carrément là, à un moment donné, c'est au noir. Il parle français, alors il va expliquer. Il vous fout, pendant 4-5 pages, c'est lui. Il n'y a que lui qui parle, hein. Et il va raconter, il fait le laïus, quoi. Donc, il est en train de raconter que, ce qui reste, c'est l'anarchie à cette époque-là. Le modèle, c'est la révolution de 1789. C'est ça. Ils sont fidèles à ça. Important. Liberté. Attends, ça paraît rien. C'est vrai qu'on dit, mais ça. Là, pour eux, ça. Deuxième chose, hein, c'était les producteurs, ce sont les ouvriers. Ça, c'est important. Ce sera l'idée d'un bourse du travail. Hein, où Fernand Pelloutier, qui sera à l'origine des bourses du travail, là, en France, hein, qui est anarchiste, qui va venir, qui fait ça, donc il va le théoriser. Hein. L'ouvrier, c'est lui qui produit les richesses, donc c'est le producteur. À partir de lui, doit s'orienter l'autre, la société, quoi. On doit fonder. Et donc, on met, alors ils se servent, eux, ils se servent de la statistique. Parce qu'après, sur les bourses du travail, non seulement elles émergeaient les gens, mais c'était elles qui étaient censées réguler le marché du travail. C'est pas évident, mais un peu le bordel que c'est actuellement. Donner du travail pour l'emploi, c'était eux aussi qui essayaient, compte tenu de la statistique, parce que le 19e siècle, c'est la statistique aussi. Alors ça aussi, c'est intéressant. On a des tas de chiffres, c'est ça, on peut évaluer le nombre de personnes de grève, etc. C'est pas réel qu'il y a, parce qu'il y a des chiffres. Hein, et, il va y avoir l'Office du travail qui sera créé à partir de Pelloutier et tout ça. C'est un mouvement qui bouge, quoi, je veux dire. Hein, c'est bien. Donc, on chantait également dans ces réunions. Hein, des chants, à Saint-Denis, je vous raconterai après. Voilà, c'était des soirées dites militantes. Voilà, hein, qui vont durer, qui s'est faite à Marseille, qui vont durer à Montpellier. Donc, Montpellier, c'est ça. À Saint-Denis, je n'ai pas trouvé exactement le café. Alors, dans ces cafés, ils se réunissaient, ils lisaient les journaux. Alors, il y a une anecdote amusante. De temps en temps, on trouve des trucs amusants, heureusement. Il y a, à un moment donné, il y a le commissaire central qui écrit au préfet pour dire où il est arrivé une catastrophe à 7. Ce matin, à une école primaire, les gosses lisaient les journaux anarchistes. Ils les ont ramenés à leurs parents. Branle-bas! Journaux anarchistes, c'était le révolté, l'intransigeant et le père Pénat. Alors, ils font leur enquête, hein, c'est tout simple. À Saint, il y a des magasins, la porte, pour entreposer des documents, quoi. Il y avait une porte ouverte. Ce matin-là, il y a des gosses qui passent, hein, ils voient la porte ouverte, ils rentrent, quoi. 5 kilos de journaux, là, entreposés, ils prennent les gosses et ils distribuent. Dont un gosse qui était le secrétaire du commissaire principal. Alors, il y a l'enquête qui est faite, et on soupçonne que c'est Ébrard Louis. Ébrard Louis, qui était secrétaire du cercle, du premier cercle anarchiste, c'est toi, du cercle des travailleurs, qui était, alors donc, qui soupçonnait Ébrard Louis d'avoir entreposé ça et qui était envoyé de la mairie à cette. Comme je vous ai dit, hein, depuis la République, en fait, c'était très rouge, entre guillemets, oui, très rouge. Hein. Donc il y avait des anarchistes à la municipalité. Il ne sera pas inquiété, Ébrard Louis, hein. Lui, on pourrait problème, hein, il n'y a pas là, donc il y avait ça, donc ça fait ça. Après, que faisaient les citoyens? On ne jetait pas des bombes à 7, hein. On ne jetait pas des bombes. Hein. Donc, oui, j'étais. Enfin, comme blanc. Oui, on visait pour procuration. Si, ils écrivaient sur les affiches, on mettait des slogans. Hein, on mettait à mort les patrons. On collait aussi des petites. Alors, ça, oui, ça se faisait. Des petites affichettes. Les patrons sont des sangsues. Et on collait ça dans les Vespasiennes. Enfin, ça ne se faisait pas. Et le matin, toute la police passait dans chaque Vespasienne pour enlever. Donc, bon, c'est on le retrouve aux archives. Ça. Ils avaient fait ça des papillons. Oui, des papillons qui collaient. Après, on envoyait, les archives envoyaient des enveloppes noires, hein, une enveloppe noire à la préfecture, au commissaire central, marquée à la lettre rouge sang, à bientôt. On envoyait un régisseur du côté de ce village près de la de Sète, qui a retrouvé ses patrons, une lettre, Ernest Mal qui est inquiété, qui dit. Si tu ne tiens pas tranquille tes ouvriers, tu te feras sauter la maison. Hein, voilà. Voilà le type qui faisait assez. Également, le moucher dont on parlait là, autour de Sète, il y avait une industrie. Une industrie, c'était surtout pour la vigne, hein, de l'engrais. Alors vous en avez à la rue Grébin, il y a la Pérade qui est le petit village. Donc moucher, il se faisait embaucher là et il incitait à la grève. Hein, voilà, le patron, il écrit. Il y a des tas de trucs comme ça. Il y en a un autre, oui, ça c'est toi, ça vaut le coup. Il y en a un autre, il y avait des salins à Sète. Hein. Alors les salins, c'était un milieu, oui, c'était un milieu où les Italiens travaillaient pas mal. Hein. C'était sale, il n'y a pas de loi là-dessus. Donc un anarchiste qui était passé, il avait reçu une amende et il passe un correctionnel. Alors le gars, il s'en soucie pas, il va lui dire, on va aller voir le correctionnel. Il va lui mettre, moi, vous allez voir, il va lui mettre, il répond à l'audience. Alors il renvoie le bulletin et il y a, voilà ce qu'il est accompagné au procureur. Ayant l'habitude de me torcher le croupion avec les doigts, je n'ai que faire de votre papier, je vous le retourne afin qu'il puisse vous être utile pour votre usage intime. Mais, alors, ce genre d'attitude, déjà les anarchistes vont le condamner. Hein. Vous aviez Kropotkin, hein, le prêtre Kropotkin, 1890. On arrive là, dans ces années-là, 1890, il y a le choix. Hein. Soit vous continuez à être anarchiste individualiste, ce que fera Bernard, hein, toute sa vie sera individualiste, hein. Soit vous commencez à rentrer dans les syndicats. Hein. C'était le choix un peu là, qui est arrivé, parce qu'il y en avait moins. Il avait mort un peu, que chacun disait la sienne. La sienne, voilà. Et heureusement, alors, va arriver à Sète, heureusement, pas pour Sète Carnot, l'assassinat du président de la République, Sète Carnot, le 24 juin 1884, à Dijon. Alors, Sète Carnot, c'est l'ingénieur, hein. C'est le filleul de Lazare Carnot, vous voyez le symbole. Lazare Carnot, c'est lui qui va lever des armées en France, 14, pour sauver la République, hein, de 1789. Vous voyez un peu le symbole, hein. Donc, il y a un type qui s'appelle, qui vient de Sète, Caserio, qui va l'assassiner. Alors là, je ne le dis pas. Alors, on décompte de Sète. Je ne dis pas de la préfecture. C'est là que les fiches, les notices individuelles à Sète, elles vont augmenter. Tous les anarchistes, cette fois, sont passés au crime. Hein. Ça descend à la préfecture, elle va faire, donc, il y a une vingtaine de fiches. C'est là qu'on a toutes les fiches qui vont augmenter. On fait descendre de la région, etc. Alors, problème. Déjà, c'est l'enquête Caserio, je vous disais, oui, si, deux mots quand même de Caserio. Caserio, il est né en Lombardie, du côté de Milan, là-bas. Son père, il meurt. Il va émigrer très jeune, il va être à Milan, il va faire mitron, petit brûle-à-pain, comme on dit ici, brûle-pain à Marseille. Il va être mitron à Milan, et il va fonder, il va grandir un peu, parce qu'il y aura un petit peu mal, il va fonder un groupe anarchiste, et il va distribuer des tracts anti-militaristes. Il sera condamné en 1892 pour avoir distribué des tracts anti-militaristes et condamné à la prison. Pour échapper à la prison, il fout le camp à Lugano, où on parle en Suisse, où on parle italien. De Lugano, alors là, il a commencé le périple, hein, en 1892-93. On le retrouve à Lugano, il fait Lyon, rencontre les anarchistes à Lyon, viennent, il reste quelques temps, ils travaillent, et il descend, on le retrouve octobre, novembre 7, 1893. À 7, il arrive. Pour dire qu'il y avait quand même, on a l'habitude de dire, il n'y a personne à 7, il n'y a pas de structure, il se structure, et il arrive, Ernest Sorel, le fameux tailleur d'avis. C'est lui le, pas le chef, oui, c'est lui la tête pensante à cette époque-là. On a quitté les groupes, Ernest Sorel, hein, qui est marié, etc. Qui va chez La Paix, là, et qui lui dit, il faut trouver du boulot à ce gars-là. Alors du boulot, comme il était vitron, il trouve, pas loin, Louis Viala, qui a une boulangerie, donc il va faire vitron. Il parlait français, italien, quoi, hein, etc. Alors on retrouve sa trace quand il est à 7, on retrouve sa trace des morts à l'hôpital. Il va attraper la syphilis, 1894. Donc on a un dossier, mais on ne peut pas accéder parce qu'il y a prescription, tu sais, t'as regardé, la syphilis. Donc il est à l'hôpital de 7, c'est la médiathèque actuelle. Et donc on sait qu'il lisait les journaux, il n'avait pas de rapport. Il ne parlait pas trop d'anarchisme, ce gars-là. Il ne se met pas dans les autres groupes. Hein. Il n'a pas dans les autres groupes. Hein. Il ne contacte pas les. Enfin, je ne sais pas. De temps en temps, il va à Lamagoulibène, qui est une ville de sur Marseille, où il y a des Italiens. Il fait des allées et venues, etc. Puis donc, on arrive à dire, il est là depuis quelques mois, donc oui, ça va faire 6 mois. Donc le 23 juin, il va voir son patron, lui dit là, il se dispute. Il ira, il va se disputer, et il s'en va. Il va chez La Paix, il dit, je m'en vais, je quitte cette. Il ne dit pas où il va. Hein. Il ne dit à personne, etc. Il prend le train, il arrive, on est le 23, le samedi, il arrive, donc il va s'arrêter, il prend le train à 7, il va à Montpellier, il va aller contacter Lamoury, un des anarchistes de Montpellier, qui va le conseiller pour partir, de ne pas partir de la gare de Montpellier, parce qu'il va se faire repérer, et il dira qu'il n'a jamais dit, il n'y a personne hein, qui est monté. Il lui dit de partir à une gare qui est à 4 km pour prendre le train. Donc il va prendre le train, il part vers 11h du soir, il va à Avignon, il descend, il reprend, il va à Vienne, il descend, il s'approche de Lyon, il terminera à pied, marcher, hein, c'est déjà là, cette époque-là, pour arriver le 24 juin à Lyon, il achète le couteau, je voulais vous dire, à 7, hein, chez le coutelier de 7, hein, un poignard, il poignardera donc Sadi Carnot, qui était venu pour la une exposition à Lyon. Hein, et Sadi Carnot mourra le dimanche, hein, à minuit et demi, quoi, le 25, c'est pour ça que des fois il y en a qui se trompent, ils disent que c'est le 25, le 23. D'accord. Caserio, il sera condamné à mort. Hein. Alors, le motif, il disait, je venge Auguste Vaillant. Auguste Vaillant, c'est celui qui, en décembre 93, jette une bombe au palais Mongol, là-bas. Le février, Sadi Carnot refusera de la grâce, hein, et c'est pour ça qu'il dit Caserio, il dit, moi, il a refusé, je vais le tuer, quoi. Hein, j'ai voulu le venger. Voilà. Alors, à 7, bien sûr, déjà, à 7, bon, quoi, c'est ça. Personne ne sait. Alors, il y a l'enquête qui est faite. Hein. Oui, alors, Caserio, oui, là, l'enquête est faite. Le procureur de la République, n'a pas confiance, c'est toi. Il y a entre la ville de Sète et la préfecture, il y a des problèmes. Déjà, quand il y a eu des échanges au problème de la création de la préfecture, il y a surtout des condamnations. Le préfet parce qu'il refusait telle chose, alors on voit dans les registres délibération, etc., où ils prennent des attitudes qui ne plaisent pas au préfet, etc. Quoi, toujours pas réel, parce que le préfet est du côté de la République, je veux dire ça. Hein. Donc, 18 ça, ouais, il est là, on a dit à 7 qu'il aurait dit que c'était du côté de Marseille. Je ne sais pas si vous connaissez 7, il y a des tables. Et vous avez Marseillan qui est là-bas, il y a une espèce de phare qui s'appelle les Unglous, et que c'est là qu'on aurait trouvé des journaux, et qui a testé, que c'est là qu'il aurait décidé. On n'en sait rien. D'autant plus qu'il y a eu des études qui ont été faites avec la colle anarchiste de Lyon, hein, des bouquins de Lyon. Même à Lyon, ça n'est pas. Il n'a jamais évoqué, c'est possible, hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est, il y avait besoin quand même de l'arrière-plan. Il s'est servi quand même des gens de cèdre, quoi. Il y a besoin, mais tu ne peux pas faire ça tout seul, quoi. Alors, à propos du couteau qu'il a planté et qu'il a tué, c'était Guillaume, le coutelier à cèdre. La France entière va écrire à ce coutelier pour avoir une reproduction. Alors, on ne pas, hein. Tu vois sur le journal de 7, c'est le journal de 7. Le journal de 7, c'est le journal local. Qui reprend les bon, ce qui se passe à 7, c'est ça qui est là. Et puis, les grandes lignes, qui est très à droite, enfin, qui est apolitique. Voilà, c'est le pire, apolitique. C'est le journal de 7 qui est t'entends, donc il te dira que Guillaume, c'est là. Et puis la ville de 7, attendez, on vient d'assassiner, tu te rends compte, l'horreur va envoyer une couronne. 1m25 Vous voyez, à l'enterrement de Saint-Nicardo. On a toujours un pont de Saint-Nicardo à Sète. Tout à fait, être refait. Donc, vous voyez, il y a autre chose à Sète. Vous savez que c'est le lieu où ils jouent au shoot, un bout de ciel. Ils vont monter, ils doivent monter à Lyon. J'ai pas compris. C'est un lieu, Sète, c'est un lieu, j'ai pas compris. C'est une ville. Non, mais je sais pas comment. Le lieu, c'est du côté de Marseille, hein, c'est un petit village à côté, il y a un phare. Tu nous le dis en dernier, je sais pas bien. Ouais, mais c'était Marseille, c'était les Onglouches, qui veut dire l'angle, hein, il y a un phare, et on rentre, c'est la fin du canal du Midi qui rentre dans l'État, et donc là, c'est une zone où il y a les anarchistes, soi-disant, y allaient, ils ont trouvé des journaux anarchistes pour dire que c'est là que Caserio aurait dit, je vais tuer, c'est pas vrai, il n'y a pas de preuve. Hein. Mais c'est quoi, ils disent que c'est des urnes, c'est tout le monde, mais ça, quoi. Donc, alors, j'ai été avec ce fameux. La couronne, 1m25, vous voyez un peu. Alors, donc, les joutes, on fait les joutes à 7. On avait l'habitude, et c'est toi, il y a l'habitude d'exporter un peu les joutes un peu partout. Ils vont monter, ils voulaient monter en septembre à Lyon. Ils vont monter quand même. Hein. Alors, ils avaient peur de la réception. Ils seront bien reçus, hein, parce que l'opprobre, hein, etc. Quoi. Donc, alors. Voilà, alors c'est l'enquête après qui commence. On a tué ça, on verra après. Hein. C'est Rio guillotiné le mois d'août. Hein. Il est quotidien, 20 ans, hein, il est guillotiné. Hein, il veut dire, et jamais, il dira. Oh, hein, voilà. Après, je vous dirai les réactions. C'est ça, d'abord, il y a l'enquête. Alors la préfecture, procureur république. Pas ces méfies. À 7 ans, ils ne sont pas fiables. Oui, ils sont pas fiables, ces gens-là. Et le procureur dit au préfet, vous avez vu, vous êtes descendu avec moi. Vous avez vu l'attitude de ces gens, de la police, hein, hein. On a quand même des témoignages. Ils ont pas tort, hein, parce que Caserio, il a été, comme tous les étrangers, ils sont reçus par le commissaire spécial. Hein, donc il va les interviewer. Ce jour-là, le commissaire spécial, il va l'interviewer, il fait un rapport après. Donc il en a deux. Il a un étranger, Barès, Jules Barès. C'est un Alsacien, vous savez, bon, c'est l'époque où l'Alsace, elle va devenir allemande, et il avait le choix de devenir soit français, soit allemand. Lui, il ne choisit pas Jules Barès. Hein. Pour ça, déjà, on décompte, il est ni allemand, ni français, je ne sais pas ce qu'il est. Il va venir dans le milieu, on va le retrouver dans le milieu, on sait, c'est là qu'on dit, le milieu anarchiste, c'est toi. Il va intervenir, et Caserio, les deux arrivés. Alors voilà, je ne vais pas tout vous dire, la partie. Alors Caserio, nanana, San Geronimo, il est le 20 novembre 1893, hein, est un garçon boulanger. Alors il travaille d'une manière assidue, et fréquente peu ses amis français. Alors Barès, le fameux Jules, là, il était autrefois directeur d'un groupe anarchiste, c'est toi. Il, d'ailleurs, il sera frappé d'expulsion. Il partira jamais, mais ça fait rien, il est français. Et puis, quant à Caserio, voilà ce qu'écrit le commissaire spécial. C'est un jeune homme qui a pu se laisser influencer. Il s'observe beaucoup. Je veux dire, qui a pu se laisser influencer. Mais je ne le crois pas dangereux. Je l'ai demandé dans mon cabinet sous prétexte de lui faire sa déclaration d'étranger. Il m'a paru assez respectueux. Je crois, monsieur le préfet, que ces deux étrangers peuvent être lycées à 7. Nous ne cesserons de les surveiller droitement. Comprenez que le procureur. Donc ils vont venir de perles, comme on dit à 7, quoi, qui vont descendre. Alors, tous les anarchistes, c'est toi, seront arrêté, convoqué et relâché, parce que je n'ai pas de rancune pour eux. Idem pour les anarchistes impliqués. Beaucoup, aucune preuve. Hein. Ils seront relâchés, etc. Donc, ils viendront, ils auront l'occasion de défiler à la gare. Ils sont venus, ils arrivent à la gare de 7, ils descendent, ils mettent le drapeau rouge, et on voit la force du travail. Enfin, parce que, particularité, on disait, on parlait tout à l'heure de l'influence, hein, quand on disait aux anarchistes d'aller dans les bourses du travail, à la bourse du travail de 7, vous avez deux drapeaux. Quand on fait défiler le 1er mai, vous avez le drapeau rouge et le drapeau noir, l'anarchie. Et comme dit le préfet, ce ne sont pas des bandières séditieuses, entre guillemets, parce que dessus, il y a marqué « Bourse du travail de 7 ». Donc, ils pouvaient se couper, parce que c'était interdit. Hein, Troisième République, c'était le blanc-rouge. Voilà. Et eux, à 7, systématiquement, on se promenait le drapeau rouge. Donc, quand ils sont arrivés de la gare, vous mettez le drapeau rouge, et de la gare à la poursuite du travail qui est au centre-ville, hein, c'est qui n'a pas changé, et toujours au même endroit, tout le monde avait, on faisait, c'était la façon, etc. Voilà l'événement qui arrive à 7 en 1894. Alors, les répercussions, bien sûr, la presse, même la mairie de 7, hein, tout le monde est contre cet assassinat. Caserio guillotiné, lorsqu'on guillotiné, on a des. Alors, on a deux réactions. À la cathédrale de Montpellier, vous avez des placards qui sont braqués. Il y en a un. Alors, non, le placard, non, avant le placard, il y a une revue félibréenne, toujours les Occitans, entre guillemets, à Montpellier, qui édite un journal, la campagne des Magalounes, tout en Occitan. Et là-dedans, vous avez une poésie à la mémoire de Saint-Camp, en Occitan, pour dire que Caserio, c'est un assassin, un lazarodi, mangeur de macaroni, tout en Occitan, hein. Etc. Et puis sur la cathédrale de Montpellier, deux gosses se font arrêter, 12 et 15 ans, je ne sais pas ce qu'il écrit, il y a un placard, mais alors, pour Caserio, il y aura martyr, hein, et il y aura le nom, donc il y aura Ramachol, Pauvre, tous les. Le martyrologue, d'ailleurs. Hein, c'est un peu partagé. Donc. Voilà, c'était la réaction de 1894. À partir de là, à 7, oui, à partir de là, le mouvement anarchiste, c'est qu'il commence, si, il se... Alors vous trouvez, alors les traces, c'est de moins en moins, donc, ne sera pas inquiété Pascal Bernal, parce qu'il est, depuis 1894, au frais de la mairie de Sète, il va à Montpellier, à l'hôpital Saint-Émile, pour faire soigner ses jambes. Donc il a été dans l'impossibilité quoi, de participer, quoi que ce soit, en 1895, il est rayé des listes anarchistes. Alors, pour être rayé de la liste anarchiste, hein, il fallait une enquête de la police, et surtout que l'anarchiste, enfin que le gars en question, envoie une lettre pour dire « Je me repens, enfin, je n'ai jamais, mais ces idées-là, c'est plus les miennes, j'étais jeune, hein, je viens des bandits de maman, etc. etc. » Vous voyez un peu, il fallait écrire, etc. Donc, à partir de là, on commence à voir le mouvement, oui, le mouvement, il part un peu en quenouille, et vous avez donc ceux qui vont rentrer à la bourse du travail, et il est difficile de les identifier, hein, je vous dirai pourquoi, on a une photo de 1906 qui est là-dedans, de la bourse, on en reparlera, difficile. Et puis vous avez ceux qui vont continuer le combat, entre guillemets, mais individuel, comme Ernest Sorel, le tailleur. Hein, lui va continuer, mais là il va franchir, il va passer de l'autre côté, quoi, dans les malfaçons, dans les combines. On le retrouve à Nice, il va fonder une société à Bakou. Le trafic d'argent, il va essayer de vivre là-dedans. À Nice, il sera arrêté, il va être renvoyé à Nîmes, et il va arrêter, puis il revient à Montpellier, il est, je ne sais pas pourquoi, ni reconnu, pas coupable. On le retrouve à Barcelone en 1903, à Barcelone où il va écrire dans le journal de la presse anarchiste, elle servait à indiquer où elle était, etc. Il va écrire, sa femme viendra le voir, elle va le quitter, puis on va le retrouver, lui, avec sa maîtresse, notre maîtresse, à Nîmes, et la préfecture en 1905, enfin, elle signale au préfet à 7 pour lui dire il est parti, il est du côté d'Avignon, ouf, 1905, donc on l'aura plus. Entre temps, oui, j'ai oublié, parce que là j'ai vu qu'il y avait une armoire avec Alexandre Jacob. 1902, Marseille. Vous vous rappelez le monde de piété? 1902, il y a le monde de piété qui est dévalisé par deux policiers. Hein? Alors, non, c'est pas ça. Alors, l'origine de ce type, c'est Alexandre Jacob, marseillais, imprimeur. Il connaît, il fallait que je le rattache à cette, il connaît un certain imprimeur également qui s'appelle Arthur Rock, originaire de Marie, de Montpellier, mais marienne suédoise, hein, Marie Force. Anarchiste, lui aussi, qui fauchait, etc. Donc Alexandre et Jacob, ils arrivent au monde de piété, ils se font passer pour inspecteur, et ils disent, bon, on a besoin de ça, ils vont le visiter, etc. Donc il se fera rapagner, il va être enfermé du côté d'Aix, et puis il va s'évader. Toutes les polices le recherchent. Alors qu'il est en 1902, tranquillement, chez Ernest Aurel à 7. Et on trouvera que là, avec l'autre en parler, il aimait caresser le chien d'Ernest, que soi-disant Casequio aurait également caressé. Quoi, hein. Voilà, comme ça faisait ça. Et Alexandre, ça, c'est pour la légende, hein, Alexandre Jacob, c'est de 7 qu'il aurait fondé les travailleurs de la nuit. Hein, c'est le modèle d'Arsène Lupin. Donc on trouve ça, c'est un archi. Voilà, ça se termine là, en queue de poisson, à 7, ça. Pas tout à fait. Alors à 7, c'était quand même. Et là, pour revenir à Verdal, ça veut dire que s'il avait été rayé, toi tu penses qu'il a envoyé une lettre en disant je suis plus anarchiste ? Non, il n'a jamais. Ah. Il a continué, lui, à être à produire en Occitan, puisqu'on va retrouver 1908-1910 deux chansons de Caraval. Il bascule un peu vers. Les chansons de Caraval, je vais dire pourquoi. Il y a un petit village qui s'appelle La Pérade, c'est les faubourgs de Sèvres, qui est rattaché à Frontignan. Et c'est ce village-là demandé d'être détaché de Frontignan, d'avoir son autonomie. Ça faisait longtemps, au XVIIIe. Là, il recommence. C'est refusé. Alors, Verdal va profiter. Ils font des cavalcades à cette époque-là. Donc, Verdal va écrire une chanson en patois, comme on dit, dans le parler de Sète, hein, avec l'air. Je ne sais pas où il est pas trouvé. Donc, ça évoque. Hein, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte ce que je faisais. Hein. Vous avez été un peu spolié, etc. C'est pas important. L'important, c'est d'être ensemble, de vivre. C'est ça l'idée de l'anarchie. De vivre un moment ensemble et de faire quelque chose avec chacun. C'est extraordinaire. Moi, je dis, bon, il le dit avec ses mots, quoi. Il le répétera en 1908 ou 1910. Voilà, toute sa vie, lui, va être anarchiste. Hein. Par contre, à la Bourse du Travail, on va retrouver des échos de ça. C'est ça qu'il souhaite. Alors je vous dis, bon, la Bourse du Travail le fera, 1905, des réunions antimilitaristes. Hein. Systématiquement, c'est Casimir Jeannot qui est, alors son frère, on le dit révolutionnaire, il est fiché anarchiste, mais il est révolutionnaire, on ne sait pas trop, quoi, à l'époque, quand on était tout le monde, on ne savait pas. Donc, il fera des réunions, et on a, en 1906, le premier mai. 1906, vous savez, c'est à Amiens, on décide, 8 heures, hein. Voilà, les ouvriers, ils ont dit, il y en a marre hein, d'attendre les 8 heures des patrons. Qui veuille ou qui veuille pas, on fait 8 heures. 7 heures, tout le monde en grève, hein, c'est grève générale, drapeau rouge, drapeau noir, on descend de la Bourse du Travail, c'est sur une petite colline, c'est derrière les Halles, on fait le tour de la ville, comme les fêtes patronales, hein, on enveloppe la ville. Et là, on a, à 7, il y a une place avec un kiosque, hein, vous savez, des kiosques. Le kiosque a été donné par un négociant qui venait de Sainte-Marie-Ornine aussi. Sur ce kiosque-là, on fait des opérettes, de la musique. Mais là, il y a un discours d'une femme, habillée de rouge, ça aussi. On ne parle jamais de ce genre-là. Elle s'appelle Antoinette Durand. Est-ce que vous connaissez Antoinette Durand? Féministe. Elle s'appelle la citoyenne sorde. Elle est habillée de rouge, elle aussi. Elle a un capel, un chapeau comme ça. Elle monte, après je vous dirai qui c'est. Elle monte sur le kiosque, femme, seule, pour dire aux ouvriers, vous n'attendez rien des patrons, mettez-vous en grève. Et elle prend son chapeau, elle a une plume énorme, elle le fait passer, elle fait la quête. Elle retournera, après tout le monde retourne à la Bourse du Travail, et se fait prendre en photo. C'est la photo, la première photo de la Bourse du Travail, 1906. On voit bien les deux drapeaux, mais ce que c'est noir et blanc, indien dessus, là, enfin, je le retrouve. Extraordinaire aussi, madame, photo, hein, des deux drapeaux, le rouge, le noir, trois femmes, avant Antoinette Durand au milieu, vous aviez donc Pascal Verdun, Casimir Jeannot, on le voit, parce qu'il a, au revers de la, du veston, il y a un petit trou. C'est pas la médaille, hein. C'était la punaise qui tenait la photo de des descendants de Jeannot Casimir. Elle avait payé ça. Donc on sait que c'est Casimir Jeannot. Et derrière, vous avez trois femmes. Vous dites, qu'est-ce que foutent ces femmes? C'était les premières femmes ouvrières portefeuille du port de Sète de 1900. Vous vous rendez compte? Refusées, parce qu'on était anarchistes, mais un peu misogynes aussi, hein, contre les femmes. Hein, les femmes, non plus. Voilà, 1899, elles travaillent sur le port. Elles font, c'est elles qui feront les oranges après. Elles déchargeaient les sacs, elles repétassaient les sacs, etc., en petits ouvrages. Et puis plus tard, ce sera les orangers, on appellera ça, le pays d'Espagne, etc. Ces femmes, ces trois femmes, hein, elles, on leur disait, qu'est-ce que vous faites là? Votre place n'est pas là, votre place est au foyer, vous n'avez rien à faire sur les quais. Alors elles nous disaient, nous, on n'a rien à faire à laver le linge des bourgeoises, ce qu'on veut, c'est notre milieu des hommes, travailler, et nous, on ramasse tous les gosses qui sont sur les quais à 13 ans, là, plutôt qu'ils traînent, on leur donne de l'éducation. Ça, c'est au congrès qui se passe à Sète, en 1905, pour le soir accepté. C'est extraordinaire, hein, ces trois femmes, là. C'est, alors, et puis cette fameuse Antoinette Durand. Elle est là, en rouge. Alors, Antoinette Durand, c'est une spécialiste. Elle est née à Rodez. Rodez, vous voyez, d'ailleurs. Et ils avaient une propriété. Son père est docteur, hein, quand même. Son père est l'hôpital fourriériste. Vous savez, c'est le premier socialiste, hein. Donc, elle est là. Elle va se marier 20 ans, elle se marie. Son père est malade, il descend à Nice, ils ont de l'argent, quoi. Hein. Elle va rencontrer à Nice le directeur du journal de. Belge, le soir. Elle va tomber amoureuse de lui. Ils vont partir tous les deux avec un anarchiste belge, dans l'Amérique du Sud, fonder le colonie anarchiste. Bien sûr, ça ne marche pas. Elle revient, moins d'argent, elle revient, elle se sépare, hein, et elle, sa vie, ça va être d'éduquer ses ouvriers qu'elle a, elle a une propriété du côté de Rodez, hein, Sorgue, elle parle pas trop à ses ouvriers, elle leur fait chanter l'international, hein, d'accord, on l'appelle la femme del diable, la femme du diable. Hein. Alors on va la voir partout, vous allez la voir, il y a grève à Limoges, des femmes contre le cuissage, parce que, hein, elle est là, il y a grève dans le Nord, les mines de Lens, les Broutchoux, vous l'avez la photo. Oui. Qu'est-ce que c'est le cuissage? Le cuissage, c'est-à-dire que le patron, il couchait avec toutes les femmes. Le chef des filles. Avant de... Oui, j'ai pas entendu parler, oui, non mais, je veux dire, ça date pas de maintenant, je veux dire. Donc, on appelle ça harcèlement sexuel. Donc, elle est partout, cette femme. Antoinette Durand, elle est partout. Alors, on la retrouve dans des congrès anarchistes également, je crois qu'en 1907, à un certain millier. Elle fait partout, cette femme, alors qu'on la trouvera. Elle mourra à Londres. La photo que prend le photographe là, de la Bourse du Travail, Obès Gabriel. Alors, je lui dis, tout ça, mais qu'est-ce qu'il fait sur ces toits-là? Comment ils ont pris Obès? Alors, Obès, on cherche un peu. Ce gars-là, il est photographe. Il monte à Paris faire. Lui aussi, il monte à Paris, hein, comme tout le monde, pour essayer de trouver du boulot. Il est là. Il va épouser une fille de Perpignan. Une veuve, Salès, qui a un petit. Elle est veuve et un petit. Petit, un grand petit, quand même. Elle se marie. Obès, il va s'occuper de ce jeune, qui s'appelle Almereil. Vous connaissez, c'est l'anarchiste Almereil qui va être. En 1906, il va fonder la guerre sociale. Le père de Jean Vigo. Voilà, je vais te dire. Donc, il redescend à Sète. Albéric, il sera arrêté, il fait la guerre sociale avec Hervé là-haut à Paris, il va devenir socialiste. Il va mourir en prison de la santé, on ne sait pas s'il s'est suicidé, sur la cuisine, etc. Et ce petit-là, c'est Obès qui va le récupérer à Sète, on va le mettre en pension à Millau, sous le nom de Sartre. Et c'est Jean Vigo. Hein, le cinéaste, c'est Jean Vigo. Vous voyez un peu les. On va dire la réplique. Alors pour terminer quand même l'anarchie à Sète, hein, parce que je ne savais pas, on a arrêté. Hein. 1907, pour dire que ça a lieu à Sète. En 1907, les ouvriers grèvent encore. À Sète, oui, connaissent, ils font grève tout le temps, c'est les patriés qui font grève. Et ils vont distribuer une chanson, hein, pas un tract, une chanson, petit papier rouge comme ça, en occitan, s'il vous plaît, dans le parier de Sète, une chanson. Alors la chanson, elle dit, elle dénonce le patron du bâtiment, qui est le patron du chef de. S'appelle Chevalier. Son petit-fils était directeur du port dans Sète. J'ai essayé de le joindre, je ne l'ai pas pu. Mais je lui ai dit, donc un petit, et il le distribue à tout le monde. Et elle dit tout le monde à chanter. Alors là, le papier, il dit, tu étais le patron, quand tu es arrivé à Sète, tu n'avais pas d'argent, tu n'avais pas de pantalon, tu n'avais pas de gilet, tu avais des idées anarchistes. Nous, les ouvriers, les anarchistes, on t'a habillé, on t'a vêtu, et maintenant que tu es habillé, vêtu, tu nous oublies, parce que ce gars-là, il est devenu président patronal du bâtiment. Il a oublié un peu ce qu'il était, quoi. Alors, pour chanter ça, non pas sur l'air de l'arcade manuel, il est intercédé, il est digne de l'international, de l'idée, c'est l'air à la mode. Viens poupée. Alors, attendez, il faut le faire, il faut que c'est toi. Alors, la chanson qu'on a pu chanter, on l'a refait. Viens poupée, c'est Félix Fayol de Toulon, qui est monté à Paris, je ne sais pas si vous en rappelez, là. Alors, c'était, il a eu un succès, mais c'était très. Oui. Ma droite, il n'a rien à voir. Oui, c'est ça. Il était même anti-républicain. Ouais. Alors il raconte Mayol dans ses souvenirs, parce que je me suis dit, pourquoi les ouvriers ont pris vieille poupoule, ouais. Alors il y a les peintres parisiens là-haut qui sont allés le voir pour lui dire, Monsieur Mayol, on a l'habitude de chanter quand on peint. Hein, il disait, alors, avec les romances d'aujourd'hui, c'est un peu vache, tout ça, c'est un peu trop lent. Heureusement que vous avez écrit des poupoules, ça va plus vite, quoi. Donc, c'est pour ça le succès. Et Mayol va venir dans le Midi, je vous dis pas, la révolution, tous les républicains, à Béziers, à Montpellier, où c'est, s'opposent, hein. Voilà. Tout le monde se met pour dire, surtout qu'ils chantent pas contre la République, etc. Quoi. Enfin, ils ont droit d'aller. Voilà, restez-toi, c'est ça. Ils termineront comme ça. Alors, après, on arrive en 1914, hein, et bien c'est tout le monde, hein, grâce à Laurent, malheureusement. Quoi, hein. Et on retrouvera après des anarchistes à Sète, bon, je ne suis pas allé pour le 1914, mais si, quand, à Sète, il y aura après la fondation du Parti communiste, vers les années 1920, c'est là qu'on va retrouver encore quelques notions d'anarchistes. Hein. Voilà. On va arrêter, la merci pour cet exposé très vivant. Donc, je vous engage à pour en savoir plus, à vous plonger dans son bouquin. Et puis, bon, si vous avez des questions les anarchistes, sur l'Occitanisme, oui. À Sète, vous pouvez. Voilà, parce que là, si vous voulez, là, pour faire ça, il faut. Un métier, à le dire, bon, comme je dis, je ne suis pas historien, rien, avant de faire ça, moi. J'ai eu 10 ans, hein. Mais j'ai eu 10 ans, parce que je ne veux plus dire, hein. Ça fait pas comme ça, quoi, hein. Je veux dire, moi, j'ai pas que ça à faire, à tout dire, oui, quoi. Si, je veux ça à faire. Donc, je voulais qu'il soit l'Occitan, c'est bien, qu'il soit écrit en Occitan, oui, important. Ah oui, tu l'as fait dans. À Dendelin. Alors, et t'as fait quoi dans quel sens ? Il y a eu à la fois dans. À la début, je voulais faire comme ça, côte à côte. Ouais. Je me suis perdu. Ça tombe jamais. Comme si une association qui fait ça, c'est mal imprimé. Il y a des fois des pages qui ne sont pas au bon endroit, etc. Donc c'est question de relecture. Voilà. Ça fait rien. Bon, là, je me noyais. Ouais. Alors, heureusement que maintenant, il y a Internet. Il y a vous pouvez mettre les notes au bas de page. Bon, il n'était pas question de faire un index. Parce que moi, j'ai fait comme tout le monde. J'ai découvert un anarchiste. D'ailleurs, ça me rappelait le milieu occitan. Rentrer à l'IEO, on ne vous demande rien à l'IEO. Hein. On ne vous demande pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faisiez là. Vous pouvez sortir, personne ne va rien. Alors, c'est un peu simple. Alors, je dis, bon, après, c'était à l'Occitan, c'était bien, c'était un regard, c'était une façon de dire. Et puis, c'est vraiment un ouvrier qui écrit pour les ouvriers. Vous voyez, ce n'est pas un érudit. Hein, comme disent les anarchistes, c'est toi, on a besoin. L'anarchiste, c'est quoi vis-à-vis des ouvriers, oui, des érudits. Il n'y a jamais eu de problème. ils ont considéré, et moi, avec Olivier aussi, ils ont considéré les Urundis comme des aides. C'est pas les messieurs qui viennent ici amener, au contraire, ils sont là pour aider. Hein, vous avez besoin. Il y en a un qui le dit, quoi. Problème également des anarchistes qui avaient rencontré un dinoire, les anarchistes, ils veulent parler espéranto. Ah, ça, oui. C'est le but. Hein? Alors, il y en a un, heureusement, il y en a un qui dit, oh, c'est compliqué, on n'arrive pas à parler français. Bon, c'est une facette, quoi. C'est une œuvre que tu donnes, espéranto. Comment? C'est une Ah non, c'est une langue internationale. C'est pas si mal. Vous pouvez, tout le monde, ouais. L'espéranto, c'est un gars qui était en Pologne qui s'appelait Zamenhof. Et c'était une ville où on parlait lituanien, russe, yiddish, et tout le monde se cassait la gueule, et enfin, je résume. Et il s'est dit, si c'est parce que les gens ne se comprennent pas, et on va inventer, et si on en a une langue où tout le monde se comprend, peut-être on va arriver à la paix, et ça partait d'un très bon principe. Et ça a beaucoup marché dans les milieux anarchistes, et beaucoup d'espérantistes, mais pas seulement. Hein, et cette langue, il l'a fabriquée à partir surtout des langues européennes, slaves et latines, et elle est très simple, donc on peut l'apprendre. Et d'ailleurs, tous les mardis soirs, il y a un cours d'espéranto ici. Si vous voulez en savoir plus, venez mardi. Sinon, c'était imprimé dans les livres. Ah ben, il y a eu des livres, des journaux, Ça n'a pas eu le succès que ses fondateurs auraient voulu qu'il ait, mais ça existe toujours aujourd'hui. La langue, c'est pas que le code. Mais le but, c'était de pouvoir communiquer, d'aller en République tchèque, et puis c'est sûr que si on parle occitan français, personne ne va vous comprendre. Et si on trouve des espérantistes là-bas, la communication se fait. Parce que l'occitan, à l'époque, était parlé partout. Oui, jusqu'à la porte italienne. Sauf, c'est pour ça qu'il y a une particularité. Ça parle français, à un moment donné. Et le gars, il a expliqué. Il dit, moi, je ne peux pas parler par toi aux députés, aux maires, etc. Vous voyez l'idée déjà de dire que ce qu'on parle, nous, ce que parlent les oubliés, c'est vraiment de... Sous l'empreinte. Voilà, c'est pas la langue nationale. Hein? Alors on doit, il est en train, qui est issu d'eux, il leur dit, on ne peut pas parler comme toi à ces gens-là, il faut parler la langue de la République. Parce que la République, elle avait dit, ce que vous parlez, c'est pas des langues, c'est des patois. Et à l'école, même, voilà, on punissait les gamins qui parlaient. Hein, vous avez la constitution française, de etc. Donc voilà, c'était ça la plus. À cette il faut également, je voulais vous dire, un journal qui va durer 2-3 ans, anarchiste, en français aussi. Hein. Très peu de. De toute façon, alors la documentation, comme je vous l'ai dit, c'est dossier de police, commissaire spécial, les fiches, voilà. Et c'est intéressant aussi parce que ça montre ce que dit la police de C'est ce qui reste, hein, les documents. Oui, mais et sur les techniques, je le disais, ça dit quelque chose sur la police. Oui, ça dit. C'est-à-dire sur leur mode de. Comme vous disiez, la question de la mesure, alors, c'est vraiment des dangers. J'ai retrouvé plus tard, parce que maintenant, je travaille sur l'autre côté de. Un peu catholique. Il y a également des endroits dans les dossiers de police pour le recrutement. Mm-hmm. Il y en a qui disent je parle par toi. Mm-hmm. C'était une valeur pour eux parce que ça faisait voir, d'abord ils comprenaient ce qu'ils disaient. Mm-hmm. Parce qu'on a des comptes rendus, si vous voulez, d'interrogatoire ou de conseil municipal. Le commissaire, il n'est pas ici, il n'est pas de 7. Hein. Mm-hmm. Il y a des discours où les gens ils parlent comme à toi entre eux. Et le commissaire dit, arrêtez de parler, patois, c'est pour pas que je sois au courant. Ouais, et le patois, il sert à ça. Ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est que finalement, entre guillemets, ils savent qu'il est. C'est-à-dire pour les interactions, c'est-à-dire finalement, ils savent que c'est la police qui est là. Bien sûr, il faut exprimer. Mais ils vont quand même continuer à agir. Alors sans doute, on peut imaginer que. Il y a peut-être une autre scène. C'est-à-dire que vous, comme ce qui reste des traces, des archives, c'est une scène publique. Oui. Et il y a peut-être une autre scène, parce qu'on peut imaginer que les gars, ils savent que les flics sont là. Donc en fait, on peut imaginer qu'ils disent des choses, qu'ils disent autre chose dans un autre, dans des coulisses. Oui. C'est pour ça qu'après les autres sources, c'était les journaux, mais visiblement à 7, on n'avait pas beaucoup. Parce qu'après, nous, on a des listes de souscripteurs, des choses comme ça. Alors, les journaux à 7, il y a quelques journaux ouvriers qui s'appelaient le Docker, qui sont photocopiés, j'arrive plus à foutre la main, où il y avait des extraits de journaux d'archives, Puis vous aviez donc le journal de Sète, ça s'appelle le journal de Sète, ils sont numérisés, hein, maintenant. Mais ça, c'est très local. Puis vous aviez le journal, alors, le Petit Méridional, qui est républicain, pour la République. Vous trouvez, c'est sur les archives départementales de l'Hérault. Et puis vous avez le côté curé, l'éclair, des royalistes, anti, etc., etc., quoi. Tu avais ce côté-là. Voilà. Alors, en fait, je vous ai dit, il y avait ce journal-là qui ne va pas durer longtemps, malheureusement. Et puis, je ne sais plus si vous voulez me dire, un truc important, mais c'est pas grave. Non, mais ah, si. Les sources, donc, on ouais. D'un côté, il y a la police, après, de l'autre côté, pour compenser ça, c'est les mémoires oui. De militants. Oui, je sais. Alors, est-ce qu'il y a des militants de cette qui ont écrit des mémoires? Non. On a des comptes rendus, parce qu'on a la chance, vous avez sur le site, le CIDIAS. Vous savez, qui était le mouvement social, quoi. Il y a eu le mouvement social qui a pas été numérisé, tous les congrès, vous voyez. Oui, bien sûr, alors, vous avez notamment un qui est important, c'est celui de 1901, la grève à Marseille. Et pour nous, et pour Marseille, quoi. Parce que le mouvement, on parlait des portefeuilles importants à 7, Pioche, il va avoir des problèmes à 7. Juste qu'il prenait trop de pouvoir, etc., il va avoir des plans, etc., il va faire venir des délégués de Marseille qui vont venir à 7 pour le défendre. C'est là qu'il va parler, le délégué, à une réunion, il part en provençal. Et le commissaire, il va dire, « Oui, mais moi, je ne comprends rien, je ne sais pas ce que vous racontez, quoi. Pour écouter n'importe quoi, je ne sais pas ce que vous racontez. » Alors ça, c'est important de voir qu'il y a le lien entre les ouvriers que le pont, ils feront pas grève, et puis sur les paroles aussi, parce que c'est là qu'on trouve. Il y a eu un livre là sur Marseille d'Ambrosio. Ah, à gauche, là. Et si, il est venu, non? Alessi. Voilà. Sur le parler, les mots des toquets. On retrouve ça. Il vous parle, le mot, il y a un mot qui s'appelle, il parle de cambaler, à un moment donné à 7. Au docker, on cambale. Cambaler, le cambal, c'est un bateau avec des crochets. Quand on était manœuvre, à l'époque, on était sur le côté, donc ça veut dire on porte des charges lourdes. Il y a des mots, à 7, on a la tintaine, vous savez, sur les joutes, le plancher, c'est la tintaine. Et bien la tintaine, c'est le mot qui est marseillais, et c'est toi, pour dire la plateforme pour décharger les bateaux. Une équipe d'ouvriers, ça s'appelle une main, une mare, la manade. Et donc pas la colle, je me disais la colle, c'est le bateau. Donc, on parlait, oui, déjà ils parlaient cela, mais d'où l'importance de cette pièce. Oui, c'est unique pour nous. Voilà. Alors, après à chacun de faire. Parce que c'est ça, si quand on est occitan, on n'a pas d'histoire, on a l'histoire officielle. Et c'est donc, ça ce que j'allais dire, ça dit ça aussi, c'est-à-dire voilà. L'histoire des dominants. L'idée de l'écrire en occitan, c'est pas pour se faire plaisir, oui, ça me fait plaisir de le dire. Mais c'est pas ça, c'est important. Pour dire aux gens, alors les gens, bien sûr, parce que vous rencontrez les érudits, les gens, là, ils vont vous dire toujours, monsieur le maire, monsieur le député, c'est bien l'occitan. Je ne parle pas, moi, mais c'est bien, hein. Voilà. Il n'y a pas de volonté politique, on le voit. Moi, je suis dans une région qui s'appelle l'Occitanie. Bon, il n'y a rien. Si, elle donne de l'argent pour nous, mais il n'y a pas. C'est pas ça qu'il faut. Quand moi, je suis allé voir le maire de Sète, je dis pourquoi vous ne formez pas les journalistes? Elle dit c'est pas nous, petits militants, qui avons le bulletin que vous sortez, vous avez quand même fait l'Occitanie en français. Ouais, c'est pas à nous à faire ça. Je dis, moi, je ne suis pas journaliste. Formez vos journalistes, envoyez-les dans une école. Alors, on vous regarde les yeux. Le primaire, j'ai dit au lieu de prendre l'anglais, vous pouvez apprendre l'anglais et l'occitan. Déjà, France 3, d'acquis. Mais pareil, hein, tu vois. Bon, enfin, c'est pas nouveau, quoi. Donc c'est important que ce soit en occitan. Et puis ça dénote, parce que ça dénote avec cette production un peu occitane qui est un peu. Parce qu'on avait des poètes occitan, quoi. Voilà. Parce que, inutile de dire. Malheureusement, anarchiste. Hein. Mais enfin, il continue, quoi. Alors il reste un gros travail. Pour les gros, hein. Alors tous ces anarchistes, c'est toi, donc ils se figurent sur le métro, vous savez, l'anarchiste métro, on l'a mis, donc on a mis ce qu'il y avait, quoi. Vous avez les 42 fiches, hein. Elles ne sont pas dedans. Elles sont sur le. Parce que le métro, c'est un dictionnaire, et il y a une version papier, une version numérique qui est beaucoup plus complète. Voilà. Alors, on l'a mis, elles sont surtout sur la version numérique, vous payez 60 euros pour payer. Non, c'est gratuit maintenant. Hein? Le dictionnaire des anarchistes, il est en ligne gratuit. Ah, parce que moi, donc vous tapez dictionnaire métron des anarchistes, Voilà, vous avez accès, vous pouvez taper les... Donc, alors également, la marche à 7, on n'a pas parlé, mais il n'y a pas que des Édouards. Hein. Il y a énormément d'Espagnols, des Catalans, hein, qui viennent droit à 7. C'était une base arrière. Ces gens-là, ils prenaient le bateau pour ne pas se faire repérer. Ils venaient de Marseille à 7 en bateau. C'était plus facile de se déplacer en bateau qu'en train. Parce que on notait pas la police disait, ouais, ils notent rien, ils notent le nom, ils notent rien, on ne sait même pas si c'est le nom, etc. Après, il y avait quelques Italiens. Oui, parce que les Italiens à 7, moi je suis d'origine italienne, ils arrivent fin 18e, il y a les négociants qui viennent. Ça, c'est les négociants. Et puis après, suite à la réunification de l'Italie, 1861, je ne me rappelle plus, quelque chose comme ça, le nord et le sud, il va y avoir le même phénomène qu'il y aura en Allemagne, il y a la misère. Quoi. Donc tous ces gens-là, ils viennent. Moi, je suis de Gaët, hein, qui est au sud. Donc, il y en a qui s'arrêtent à Marseille, beaucoup à 7. Hein. Il y a un noyau. Ils viennent, problème avec les Sétois. Eux, ils parlent, ils vont finir par se comprendre, parce qu'ils parlent le dialecte, ils ne parlent pas l'italien de l'âme, ils parlent le dialecte de Gaëtan. Donc, latin, et donc, ils trouvent un peu des résonances dans le parler, Sétois, la langue d'ossier. J'ai pas trouvé de écrit, non. Mais écrit, il n'y a pas de mélange, vous savez, l'espèce de salir entre l'italien, le provençal, le français, comme on trouve à Marseille. Alors, à Marseille, un roman à lire, hein, si vous avez de l'occasion. Bagatouni. Voilà, Bagatouni, Valère Bernard. Ça, c'est génial. Là, vous trouvez, dans l'ambiance, ce qu'il devait y avoir à Le quartier du Panier. Quartier du Panier, italien, provençal, ça parle italien, dialecte, génial. C'est un livre qu'on trouve en provençal et en français. Voilà, c'est bien. Il y a les deux versions. Il y a entendu qu'il y a en face, quoi. Il y a 8 ans. Voilà, pour avoir tout ça. Et il reste le travail. Donc, je vous dis que c'était également un livre pour écrire notre histoire, parce que personne n'en parle. Moi, j'ai découvert qu'il y avait des anarchistes à 7 pour ça. Hein, comme les gens à 7, ça attire pas les foules. Hein. Mais enfin, bon, bref, c'est bien. Tout ça. Et il y aurait un gros travail à faire à Montpellier sur les anarchistes numéros. Parce qu'il reste des temps. On a la chance, entre guillemets, d'avoir. Ils sont répertoriés, quoi. Il suffit. Il faut de payer l'étudiant, quoi. Voilà, je ferai ça. On va retraiter qui peut aller. Quand j'aurai fini autre chose, là je travaille sur Marseille. C'est toi qui viens de Marseille. Mais après, oui, je me promets. Voilà le mouvement. Oui, chacun peut faire son petit travail. C'est ça, c'est comme la pièce. On est acteur. Voilà, on n'est pas passif. Hein, quand on ne vous parle. Mais rappelez-vous, dans les années avec Bouchkine, le théâtre, etc., c'était ça le théâtre. On n'est pas là passif, on est là et on vous éduque comme j'essaie de le faire. Voilà, mais c'est tout. Si vous avez une question, je ne vais pas vous le liquider. Voilà le mouvement. J'ai vu sur Marseille Info Autonome à 17h. Je suis allé sur le site et j'ai dit Marseille Info Autonome. Je ne suis pas sérieux.